Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. François Olivier, c'est la chronique, c'est un fait en ce moment, savais-tu? Oui, je m'en doutais. C'est quoi cette chronique-là, tu penses? C'est des faits véritables, vérifiables et véridiques. Exactement! Ding, ding, ding, bravo, tu gagnes. Aujourd'hui, François, en plus, non seulement ça, c'est des faits, mais c'est des faits rapides! Oh! C'est une avalanche de faits. Une avalanche de faits, si bien dit. De la caféine. Une dose fatale de caféine, c'est environ 10 grammes ou 10 000 mg ou environ 50 espresso double. Tu pourrais mourir en prenant 50... Ouais. Ton cœur fait des palpitations, ouais. C'est fini. Okay. Selon le Financial Times, un smartphone, un téléphone intelligent, ça utilise jusqu'à 250 000 brevets dans un seul appareil. Et t'as pas quoi? 250 000. C'est beaucoup. Ouais. Je t'invite à aller voir sur assemblagerequis.com un des articles que j'ai posté dans la section « C'est un fait ». C'est un lion qui a été... comment t'appelles quand un animal meurt et que tu le remplis de choses? Hein? L'empaillé. L'empaillé, exactement. Mm-hmm. Donc, un lion empaillé en 1731 par un homme qui n'avait jamais vu de lion de sa vie. Va voir ça sur assemblagerequis.com. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait très peur. Les gens qui consomment de la caféine, selon une étude, OK? Les gens qui consomment de la caféine ont moins de chances de se suicider. Ah ouais? Selon une étude. Comment est-ce que tu peux déterminer ça? Mais bon. Plus de 80% de la population du monde prend de la caféine, soit en forme de thé, de café, de cola, à tous les jours. 80% de toute la population du monde au grand complet. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop. Trop, c'est trop. Ben, moi, toi, t'aimes pas ça, la caféine, hein? Ben, pas que j'aime pas ça, mais je suis pas un amateur de café. Et ton corps aime pas ça aussi. Non, mes boyaux me disent d'arrêter. C'est ça. Mais ça dépend, parce que si j'en prends un, mettons, après le souper, ça va bien. Tu sais, c'est il faut que j'aille manger premièrement avant. Okay. Puis plus c'est éloigné du matin, mieux je me sens. OK. Mais par contre, boire du café après avoir soupé, là, tu risques pas de dormir ben bonheur. Hein? Non. C'est pas très bon. Sais-tu qu'un enfant humain a environ 300 os, des os, là, des os, certains se fusionnent avec le temps quand l'enfant grandit, et un corps humain d'adulte a environ 206 os. Donc, t'en as 300 quand t'es enfant, 206 quand t'es adulte. Ah ouais? Ils se fusionnent? Ouais, je savais pas ça. Tu connais Hugh Hefner? Ouais. C'est le fondateur, président de Playboy, Hugh Hefner. Il a une figure de cire au musée de Madame Tussaud à Las Vegas. Par contre, lui n'est pas fait en cire. C'était la première statue à avoir été créée avec du silicone à la place de la cire. Je trouve que ça fit vraiment beaucoup, Hugh Hefner et du silicone. Il est habitué à ouais, ça. Ouais, peut-être. C'est son environnement. Il y a 560 restaurants ou magasins, peu importe comment tu appelles ça, Starbucks, à 25 000 autour de Santa Fe Springs, en Californie. C'est la plus grande concentration de Starbucks. 560 magasins Starbucks à 25 000 de Santa Fe Springs, en Californie. Incroyable. C'est beaucoup de caféine. Selon Toyota, le pluriel d'une Prius... Tu sais, en anglais, quand tu dis, bon, un virus, au pluriel, c'est viri, quelque chose de genre, ça finit par un i dans ce temps-là. Donc, le pluriel de Prius, c'est une Prii. P-R-I-I. En anglais. Ah ouais? Des Prii. Ben. Prius, ça veut-tu dire quelque chose en anglais? Ah, ça, je sais pas. Parce que c'est une marque d'auto. Bonne question. Ah. Faudrait chercher. Le premier restaurant Subway, ouvert en 1965, qui s'appelait Pete's Submarines. OK. Moins vendeur. Ouais. Pete Submarine, c'est comme bon, salut Pete. Et ça a été vendu, sûrement sa partie de la chaîne, Subway. Ouais, c'est ça, exactement. Oh. L'empreinte du nez d'un chien, c'est comme l'empreinte digitale d'une personne, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Le chien, c'est une feuille. C'est toi qui l'as fait? Ah ben, c'est ouais. Et pour terminer, selon les estimés, les Américains... en fait, je crois que tu me diras, tu me corrigeras si j'ai déjà fait celui-là. Selon les estimés, les Américains ont 30 milliards de dollars de certificats cadeaux non réclamés. Ouais, en tout, l'as déjà fait, hein. Mais c'est quand même intéressant, tu vois. Ça finit de même une chronique sur un fait déjà fait. Servez-vous-en de vos certificats cadeaux, hein? Ouais, mais j'avoue que c'est quelque chose que... Ça dort dans le tiroir. C'est ça, ou dans le portefeuille même, tu t'en rends pas compte, hein? Puis souvent, mais chose stupide, c'est qu'il y a des dates de péremption là-dessus. Et puis, ça devrait pas, là. Non, ça devrait vraiment pas. Ben non, t'as donné l'argent au commerce. Donc, il y aurait des limites avec la variation de l'argent, c'est... La valeur du dollar, peut-être que ça pourrait devenir. Mais à la limite, tu sais, en fait, tout augmente. Donc, si t'attends, c'est toi qui le paye. C'est ça, ben... c'est ça. Mais au cas où qu'il y a une grosse affaire qui se passe et que soudainement, wow, tu volerais le magasin en l'échangeant. Peut-être. Ça se pourrait. Peut-être. Faut que je me rappelle, j'ai un crédit à quoi, pas à côté. Faut que je m'en serve d'ici à 6 mois. Là. C'est 6 mois qu'il te donne? Ici, ouais. Ouais. Hey, ça pour des billets d'autobus, hein? Mm-hmm, ça fonctionne, ça. Ça fonctionne très bien. Oh. Ah oui, c'est vrai. Bonne deux. Oui, ben voilà pour la collecte, c'est un fait, François-Olivier. Merci. Non, merci l'autre, une autre fois. Ce sera pas une avalanche. La prochaine fois, ce sera juste des pelletés. Oh! L'empreinte de chien. Faire attention parce que là, ça fond. Donc, les empreintes de chien, ça va de moins en moins visible. Ouais, faites attention. Par le temps. Mais, tout le monde sait que quand la neige diminue, les crottes remontent à la surface. Donc, l'odeur du printemps. Ah oui. Mmh. Ramassez vos crottes. Ouais. Bande d'irresponsables. Non, mais je peux comprendre. Tempête de neige, tu sais, crime, t'es beau pas, tu sais. Non, ouais. C'est partenant. C'est partenant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Donc, hey, celle-là est bonne, puis c'est drôle parce que mon garçon, c'est-tu mon garçon? En tout cas, Joseph, je pense que c'est mon garçon qui se posait la question. Et vous allez voir le titre, c'est « Un Britannique sur cinq pense que Sherlock Holmes a vraiment existé ». Puis là, moi, je disais « Ben non, Zachary. Sherlock Holmes, c'est un personnage de fiction créé par Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, donc, qui avait créé ce personnage. Mais bon, même dans le monde de la monarchie, en Grande-Bretagne, eh bien, on pense à 1 sur 5 que Sherlock Holmes avait vraiment existé. Sherlock Holmes, Miss Marple ou encore Indiana Jones, voilà autant de personnages créés de toutes pièces par des auteurs et des scénaristes. Mais un Britannique sur cinq est persuadé que ces individus ont réellement existé. Même Indiana Jones. Ben, c'est quand même assez drôle. La confusion entre réalité et fiction serait telle que plusieurs individus, au contraire, croient que Che Guevara, Florence Nightingale, une infirmière à l'origine de soins modernes, et Jesse James, un célèbre hors-la-loi, eux, sont des personnages de fiction. Ah oui, mais là, quand même, faut pas être très cultivé. Ben, Jesse James, ça fait... Jesse James, à la limite, OK, oui, je dirais que c'est l'exception. Mais Che Guevara... Mais Che Guevara, comment, là, faut connaître un peu l'histoire. Mais même, moi, Sherlock Holmes, à part si t'es un enfant, c'est plus compréhensible, mais si t'as un petit peu de culture populaire, un petit peu de culture générale... Oui, exactement, il faut savoir que c'est un personnage de fiction. Eh oui. Donc, c'est le moteur de recherche Ask qui a été relayé, pardon, par l'article du Daily Mail, qui a effectué une étude afin de comprendre combien de Britanniques croyaient en l'existence réelle de personnages fictifs. Cette réflexion faisait suite aux recherches des internautes sur des biographies et des arbres généalogiques de personnes n'ayant jamais existé. Très drôle. Ainsi, l'étude menée sur un groupe de 1000 adultes ont montré que la moitié avait des difficultés à séparer les personnes réelles et des personnages de fiction. La moitié! Mais 1 sur 5, eux, ils étaient sûrs. Là. Donc, okay. Face à cette confusion, un tiers des personnes interrogées imputent la faute à Hollywood. Et selon eux, l'industrie cinématographique présenterait des histoires dramatiques comme des histoires vraies, semant le doute lors de la véritable existence des personnages. Mais ça n'a pas rapport. On essaye de faire une histoire et que ça soit crédible, tout simplement. Là. C'est pas, faut pas accuser Hollywood. Oui, exactement. Là, c'est à vous de vous renseigner un peu. Je pense que là, c'est aussi se déresponsabiliser. C'est hallucinant. Mais bon, c'est comme ça. Une belle histoire avant de se sauver. Ça va être la dernière, je pense, avant d'aller vers l'infocampus. Eh bien, deux femmes sauvées après avoir écrit un SOS sur la plage, comme dans les films. C'est assez extraordinaire. Une chance qu'elles ont été sauvées. La semaine dernière, à Hawaï, deux femmes se sont retrouvées échouées sur une plage près de Kauai. Alors que l'une d'entre elles était blessée, elles n'ont pas baissé les bras pour autant et ont réussi à appeler à l'aide. Coincées sur une plage accessible seulement à la marée basse ou par voie maritime, elles ont en effet formé un grand SOS dans le sable afin d'être repérées. Elles ont également envoyé des signaux d'alerte à l'aide de petits miroirs. Et finalement, les passagers d'un hélicoptère qui survolait jeudi soir la zone ont repéré le signal d'alerte qu'ils ont transmis aux aviateurs de la marine. Les deux femmes ont ensuite été secourues par les secours avant d'être hospitalisées. Et selon Sue Kanoho, directeur de l'Office de tourisme de Kauai, et puis c'est relayé par le Fox News, ce sont les fortes pluies de la semaine dernière qui ont bloqué les deux jeunes femmes sur cette petite île. Bon, ben, une histoire qui aurait pu mal se terminer, qui heureusement se finit bien. Et puis, tiens, grâce à Hollywood. Mais non, mais c'est dans les films qu'on voit toujours ça, le gros SOS ensemble. Mais ça date pas d'hier que les gens essayent de mettre des responsabilités sur Hollywood comme ça. ça. Ou même... Ou sur la musique. Sur la musique, sur exactement. Tout, hein, on le sait, les histoires qui est arrivées. Hein? Mais je veux dire, à l'époque, même des années 80, début oui. des années 80, les parents américains avaient dressé... Ben, en fait, c'est surtout les mères là, des associations de mères fâchées. Oui, ça, y a les mères fâchées. Ils avaient dressé une chanson des 15 pièces les plus subversives liste, ouais. pour la jeunesse. Ça s'appelait le Filthy 15. Les... Donc ça, c'est toutes des bonnes pièces à écouter. Oui, exactement. Puis là-dedans, on trouvait entre autres une des pièces que je vous avais présentées de Def Leppard, de High and Dry, c'est-à-dire pété puis sous, c'est ça le nom de la ouais. toune. Donc, on s'imagine bien pourquoi ils se faisaient pas aimer des parents de l'époque et souvent taxés de satanisme aussi. Hein. Oh. On le sait, les groupes de musique, pas nécessairement juste les groupes de rock. Hein. Même les compositeurs classiques à une certaine époque ont parfois été accusés de satanisme. Il y avait d'ailleurs certains éléments dans la musique classique à l'époque de la Renaissance et même à l'époque des médiévale. Notes des méchantes. Des notes qui étaient interdites, mais bon, ça s'est estompé à la Renaissance, ça. Mais à l'époque médiévale... Les notes du mal. L'Église était omniprésente et avait la mainmise sur ce qui se faisait en art et la presque totalité de ce qui se faisait en peinture, c'était des peintures d'Église. Le théâtre, c'était des genres d'histoires de Jésus représentées à l'Église. Et la musique, c'était de la musique d'Église. Et dans la musique d'Église, il y avait un intervalle interdit, le fameux triton. Là, oui, là, le là, triton qui fait peur. Qui fait peur, exactement. Et qui était réputé pour appeler le diable. Là, donc, tu joues cette harmonie-là, ben, c'est plutôt cette non-harmonie-là, et le diable apparaît Arrive. En personne, et tu peux trader ton âme contre un paquet de bons becs. Ou $1 million. Ou la célébrité. Mais tant qu'à prendre $1 million, tu prends, je sais pas, 500 milliards. Ouais, exactement, une bourse qui finit plus. Là. Mais c'est pour ça, tant qu'à prendre un bonbon. Ben, moi, je prendrais infiniment de souhaits. T'sais. Infiniment de bonbons. Infiniment de bonbons. Parfait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Oui, à votre prix, Stéphanie. Salut, Steph. Ah, t'es en pleine forme. Bah oui! Radio! Donc, Stéphanie qui nous présente ses coups de cœur à chaque semaine. Et après ça, nous, on continuera avec les crudités, les desserts et tout et tout. Mais là, on commence par ton plat à toi. Oui, en fait, ça a pas mal à voir avec ma chronique spectacle parce que c'est deux spectacles que j'ai été voir cette semaine, jeudi et vendredi. Je vais parler de celui de vendredi en premier plutôt que de le faire chronologiquement parce que je veux garder le meilleur pour la fin. Ah! Ouais. Et bon, vendredi, je suis allée voir Matters, Royal Banks et P.S. I Love You à la Casa del Popolo. En fait, je m'en allais voir juste P.S. I Love You. J'avais aucune idée c'était qui les groupes qui faisaient la première partie. Je savais même pas s'il y en avait de première partie. Et on est arrivé là pas mal flush dans le temps, disons. Juste à temps. Juste à temps, exactement. Puis on est arrivé, puis le premier groupe commençait. Puis là, j'écoute la voix, puis j'étais comme « Hey, ça me dit quelque chose, cette voix-là ». Mais je reconnaissais pas le groupe, je reconnaissais pas de chanson ou rien. Et je me suis rendu compte non. que c'était Diamond Rings. Hein? Ouais. Bon, en première partie? Ouais, mais attends. Tu sais, le gars de Diamond Rings, John O'Regan, il y avait un autre groupe avant, un groupe post-punk, The Dubervilles. Oui? Okay. Non? Que ben, juste à Apollo. J'imagine, ouais. En fait, c'est ça. C'est ça, je te crois. Il était dans ce groupe-là. Mais là, ils ont décidé de changer le nom du groupe et un peu le style. Ils ont pris un petit peu plus le style Diamond Rings avec des claviers et tout ça. Et c'était eux autres qui étaient en première partie. Ça s'appelle comment? Matters. Matters? M-A-T-T-E-R-S. OK. Et très dur à trouver sur MySpace, c'est Official Matters. OK. Mais ils n'ont pas joué de pièces de Diamond Rings. Non. Oh. Ah ben. C'est les pièces de Matters. Mais c'était vraiment bon pareil parce que c'est... Tu sais, clavier un peu dans le style Diamond Rings, mais avec un petit peu plus d'influence rock, avec la grosse voix baritone de Diamond Rings. Là. Ah, j'ai vraiment aimé ça. Cool. Moi, vous en faites même pas entendre, par contre. Non, même non. pas. Bon. JP. Mais je vais attendre d'entendre tout l'album. Là, j'ai juste entendu des chansons comme ça. Je sais même pas c'est quoi les titres, rien. Donc, ce sera peut-être ton plat favori pour ta dernière chronique la semaine prochaine. Je te rappelle que c'est ta dernière la semaine prochaine. Je vais pleurer. Si tu veux finir avec quelque chose de bon, c'est comme ça. Je pense que la semaine prochaine, je vais juste pas parler puis je vais shooter genre 4-5 tunes. Bref, fait que c'est ça. C'était super bon. Après ça, il y avait Royal Banks, un groupe du Tennessee. Un trio rock expérimental. Des fois, c'était plus mélodique. Des fois, c'était un petit peu plus trash. Là. Moi, j'aime un petit peu plus quand c'est mélodique et normal que super expérimental. Bon juge dans le monde, voilà. Mais c'était super bon, pareil. c'est pas que je juge, c'est mes goûts musicaux à moi. Et mais c'était super bon. Puis en plus, ils ont sorti un nouvel album il y a deux semaines, Flux Outside. C'est leur troisième album. C'était bien bon. Et le band qu'on allait voir, PS I Love You, duo rock garage qu'on connaît ici pour une pièce dans le palmarès, mais j'ai vraiment pas aimé. Oh non, mon Dieu. Non, mais une chance que les deux autres groupes étaient super bons parce que s'il y avait juste eu lui, eu qu'est-ce que t'as pas aimé? C'est quoi ça? Ça sonnait pas c'est bien? C'est des super ça? Bons musiciens, mais c'est rock garage intense et on comprenait rien de ce qu'ils chantaient. Et c'est pas un chanteur, il ne sait pas chanter, mais pas du tout. On comprenait rien, c'était vraiment juste. C'était épouvantable. C'était horrible, mais côté musical, c'est très bon musicien. Là. C'est juste la voix qui m'a vraiment fait faire le saut. Là. On comprenait vraiment rien. Mais ça veut pas dire que l'album est pas bon. Là. D'habitude, moi, je vais voir un spectacle puis je capote encore plus que le CD. Là, c'était le contraire. J'ai aimé le CD, mais en vrai... C'était moyen. Ouais, c'est ça. Mais le CD est quand même super bon. Des choses qui arrivent. Ouais, c'est dommage. Non. Ouais. Mais... Mais, cependant... Le spectacle que je suis allé voir le 7 avril, ça, je peux pas dire que c'est meilleur sur CD qu'en vrai, parce que les trois groupes que j'ai vus étaient écœurants, c'était au cercle. Il y avait Dinosaur Bones, que je connaissais pas encore, Colorado et Tokyo Police Club. Dinosaur Bones, c'était vraiment excellent. C'est un peu un mélange de Colorado et Tokyo Police Club. C'est super bon. Puis on sortait un nouvel album en mars, My Divider, qui en plus c'est sur l'étiquette Dynalone Records, l'étiquette de City and Color, Hot Hot Heat, Tokyo Police Club, Bedouin Soundclash a déjà été là-dessus aussi. Quand même des bons groupes. Hein? Ouais. Oui, exactement. Donc c'est ça. Vraiment, c'était vraiment super bon. J'ai acheté le CD à la fin. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter au complet, mais je me dis que si j'ai aimé en spectacle, d'après moi, je vais aimer sur leur album. C'était super bon. Après ça, il y a eu Colorado. Ça, là, c'était fou. Je pense que la moitié du monde était là pour voir Colorado et non... Ça, j'aurais aimé ça voir ça en spectacle. Ah, c'est plein d'énergie, c'est malade. Puis les gars de Colorado, pendant Dinosaur Bones, ils envoyaient des confettis, tu sais, les gros canons, tubes. Ouais, c'est ça, des canons un peu cheapo qui envoient des confettis. Là. Colorado ont envoyé ça pendant Dinosaur Bones. Fait que Dinosaur Bones a fait la même chose pendant Colorado. Il y avait des confettis partout. Les gars, ça bouge, ça saute partout sur scène. À un moment donné, pendant une toune, personne s'en est rendu compte, mais les trois ont pris une gorgée d'eau à boire. Puis là, ils continuent à jouer. Puis là, au même moment, ils se virent de bord puis ils crachent dans les airs à un moment clé de la pièce. Là. Ça fait comme pish partout. Là. En tout cas, c'était vraiment cool visuellement. C'était vraiment super bon. Puis aussi, pendant Tokyo Police Club, des confettis partout. Il y avait des light sticks partout. Tout le monde lançait des light sticks à tout le monde. J'ai un gars des Dinosaur Bones, le bassiste, qui arrêtait pas de me pitcher des light sticks au visage. C'était horrible. Mais c'est ça, c'était vraiment super bon. En plus, j'étais vraiment là. Je pouvais pas être plus en avant. Tu peux t'en pitcher aussi, si tu veux. Ouais. Je pouvais pas être plus en avant. Là. J'avais comme le stage. Puis j'avais le guitariste qui nous suait quasiment dessus. Là. C'est vraiment à l'avant. C'était très, très, très, très cool. C'était pacté. Chanceuse. Et ils ont quand même joué une vingtaine de pièces, Tokyo Police Club. Tous les gros hits du dernier album. Et évidemment, tout le monde connaissait les paroles, sauf moi. Mais bon. Bon. Mais je cavotais. C'était vraiment, vraiment super bon. J'avais adoré l'album. Et en plus, Colorado... Je connaissais pas vraiment l'album. Je l'avais sur mon ordi, mais je l'avais pas écouté vraiment. Ouais, t'avais comme je des connaissais millions, donc. Juliet, puis Americanorama. Puis c'est tout. Les autres, je les connaissais pas. Mais là, en fin de semaine, j'étais à Ottawa, comme vous savez, et tout le chemin, j'ai écouté du Tokyo Police Club, leur discographie au complète que j'ai écouté hier entre Ottawa et Montréal. Et j'ai écouté Colorado deux ou trois fois l'album au complet, juste en fin de semaine. C'était vraiment, vraiment bon. Ça doit... Ouais. Et on va aller écouter. C'était dur de choisir une pièce de Colorado à faire jouer parce que j'ai vraiment capoté. Fake Drugs, je la trouve super bonne. Mais la tune que j'ai le plus accrochée dans le spectacle, c'est Got to Lose. Et c'est celle-là qu'on va aller écouter. Thank you. We'll be right back. Tokyo Police Club avec Tessellate. Hey! Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose. Ah là, je voulais couper la voix, mais j'ai accroché le nez. Tu voulais y mettre la main devant. Il a juste fait ça, genre. Ah, est-ce que ça aurait vraiment marché? Ah, parce que j'ai comme pogné de la salive. Ah, c'est pas de la salive, c'est je coule, mon nez coule. Ah, François. Fais attention, fais attention. Merci, Steph. Les enfants, sérieux, là, voyons donc. Un petit peu de retenue. Merci Steph pour ton plat favori. Tu sais que pour accompagner ton plat, on a toujours les crudités de François-Olivier. Salut François. Salut. Salut. C'est des légumes. Ouais, ça tombe bien quand même. Hein, ah, écoute, moi je parle, en fait, c'est de quoi être super, super rapide parce qu'on n'a pas grand temps non plus. C'est une vidéo que j'ai découvert sur YouTube, mais ça date quand même. Puis je sais pas si on va pouvoir l'entendre. Oui, oui, ça date de novembre. Dans 2006. Moi 2006. Aussi, j'ai fait le truc avec la main, moi aussi. 2006. Bon, en fait, c'est un gars qui fait la musique et qui fait le vidéo, mais le vidéo, en fait, c'est du stop motion. C'est prise par prise, son par son. Image par image. Image vraiment. Par image. Et c'est ce que ça donne. Là, on l'entend. C'est sûr, le début est un peu long. Pendant qu'il se place et qu'il, ouais, fait qu'il comme... commence à enregistrer quelques sons. Mais une fois que ça commence, c'est vraiment, ça fait comme tac, tac, tac, tac. C'est mixé aussi avec du piano. Je sais pas si on va avoir le temps de l'entendre. Oui, ben on se rend là. Tiens, tu vois, à un moment donné, le piano commence. C'est tout le même gars qui fait là. Donc, il a enregistré chacun de ces sons-là indépendamment et ensuite remixé tout ça pour faire une pièce avec. Ça fait une belle petite chanson. J'aime ça, ouais, j'aime ça. C'est vraiment pas mauvais. En fait, j'aime bien. Voilà donc pour les crudités de François-Olivier, merci à toi. Merci. Ouais, et moi, je complète avec mon dessert délicieux de Mathieu, évidemment. Et moi, c'est un blog, donc très rapide aussi. C'est Things Organized Neatly. Les gens qui me connaissent un petit peu au travail et dans la vie reconnaîtront mon petit syndrome obsessif compulsif, etc. Comment ça s'appelle, Things? ThingsOrganizedNeatly.tumblr.com, T-U-N-B-L-R.com. C'est un blog qui montre des choses placées dans un ordre très, très droit et propre et aligné, tu sais. À un moment donné, tu sais, des choses qui sont droitement placées. Par exemple, un meuble, une bibliothèque Billy de chez IKEA. prête à être installée, mais avec les morceaux tout droit. Tout droit, installée, tout bien carré. Sinon, il y a des différents produits, des ingrédients pour faire une salade grecque. Hein, la salade, les petits concombres, les tomates, etc. etc. Tu mais t'es-tu comme ça dans la vie? Ouais, dans la vie que les choses doivent être droites, oui, pas mal. Mais quand tu fais un sandwich, comme on peut le voir sur le site... Peut-être pas à cet extrême-là, quand même. Non, quand même pas. Il y a des limites à tout dans la vie, mais quand même, moi, je me considère assez obsessif compulsif sur bien des choses comme ça. Donc, c'est thingsorganizedneatly.tumblr.com. Ça m'a juste fait rire. Il y a les ingrédients pour un gâteau au chocolat et à l'alcool. Guinness Chocolate Cake, ça a l'air bon, ça. Quoi? Mais bon, c'est pas un site de recettes du tout, c'est un site de choses placées droitement. Bon, voilà, things organized neatly. Ça complète bien votre petite soupe. Hein? J'aime bien ça. Ouais. Ça a l'air vrai ce que tu dis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Tu te rappelles-tu de, tu sais, le couple là, qui était quand même assez vieux, je pense des sexagénaires, qui se promenaient là avec une laisse attachée après les testicules de l'autre. Tu te rappelles-tu qu'on a lu cette nouvelle? Eh bien, on a un suivi là de cette nouvelle. Magnifique. Donc, ce couple qui réalisait un défi que l'homme avait lancé à sa compagne à la base. OK. Donc, ils ont été en justice et l'audience a été marquée par des éclats de rire. Mais la justice a quand même fait son travail. Le couple dont l'homme, un Roumain de 40 ans, avait été surpris à Carcassonne, la braguette ouverte et une chaînette fixée à ses testicules. Ils ont écopé à 10 euros d'amende avec sursis. C'est quand même pas pire, hein? Tu te claques ses fesses. Ouais. Ah, je suis sûr qu'il a aimé ça. 10 euros d'amende, c'est rien. C'est rien, là. Donc, une quinzaine de dollars. C'est ça. Donc, c'est avec cette même chaînette que la compagne de l'homme, une retraitée de 63 ans, le tenait dans la rue après un défi lancé par celui-ci. Là, ils ont été surpris par une policière municipale le 9 février dernier qui les a interpellés et placés en garde à vue pour attentat à la pudeur. Oh. Lors de l'audience, le retraité a tout de même tenté de se défendre, expliquant que la chaîne était fixée à un bouton du pantalon et non au pénis de son ami. Le procureur de la République a terminé son jugement conseillant au couple de réserver leur jeu à l'intimité de leur domicile. Ben, naturellement. C'est un bon conseil quand même. En ajoutant que réaliser un fantasme diminue la libido. C'est vrai. Mais c'est un peu vrai, oui. On est mieux de le garder en fantasme. Ben, certains fantasmes, en effet, sont d'ailleurs mieux d'être gardés en fantasme parce que, laissez-moi vous dire... Ça serait illégal. Moi, j'en ai essayé plusieurs, là, puis du pudding au chocolat, c'est difficile à nettoyer ces murs, là. Bon, ben, c'est ça. Parce que j'avais entièrement rempli mon appartement de pudding au chocolat et j'avais fait venir environ là, 60 personnes, là, puis on s'était tous baignés dans le pudding au chocolat. Mais j'aurais... Tu m'avais pas invité, hein, cette fois-là? Danny, je t'avais pas invité. Non, pas du tout. Désolé, je me sens un peu coupable, mais... J'espère. On se reprendra la fois que je vais remplir mon appartement avec du Graham. Parfait. Excellente céréale. Ça pique plus, par exemple. Ouais, j'aurais aimé mieux du Jell-O. C'était pas du Jell-O, c'était mais moi, j'aimerais mieux du Jell-O que du pudding. Ben, organise un chez vous. Donc, ici, on repart. La compagnie Audi, on sait les belles voitures qu'ils font, qualité de compagnie. Eh bien, elle se lance dans la fabrication de babyfoot, de tables de babyfoot. Pour vrai, c'est quand même assez inusité. Eh oui, ce constructeur automobile a suspendu ses activités habituelles pour se lancer dans la conception et la fabrication de babyfoot de luxe. Un babyfoot que vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir, car celui-ci a été tout spécialement conçu par Audi, le célèbre, bien sûr, constructeur de voitures. Il revêt un design du plus bel effet, un petit bijou rebaptisé Audi Design Soccer Table, a été édité à seulement 20 exemplaires et répond non seulement à des critères esthétiques qui plairont aux fans de ce jeu indémodable, mais aussi aux normes professionnelles. Ainsi, avant l'élaboration de ces exemplaires finales, de nombreux prototypes ont l'occasion d'être testés par Thomas Brzdick, le champion allemand de babyfoot, celui-ci concluant qu'il s'agissait là d'un très bon modèle de table, parfaitement utilisable dans les tournois officiels. Malgré tout, ce babyfoot ne risque pas de trôner souvent dans les endroits publics, vu son prix de vente avoisinement quand même les 13 000 euros. C'est énorme, mais en ce moment, là, j'ai les images sous les yeux, on pourrait peut-être les poster. J'aimerais que tu la mettes sur la page Facebook du Dédicon, ça serait magnifique. Oui, tout à fait. Et laissez-moi vous dire que c'est véritablement une table de babyfoot de luxe. C'est très classe, là. Loin de ce qu'on retrouve là, dans les bars. Miteux, là, que je fréquente. ou à la chasse-galerie. Elle dépense 23 000 euros pour marier son chien. magnifique. C'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue. Des applaudissements à tout rompre, s'il vous plaît. Donc, Louise Harris est folle de sa chienne. Moi, je dirais elle est folle tout court. Preuve de cet amour, elle vient de dépenser la somme de 20 000 livres sterling, possédant une petite chienne du nom de Lola, l'ancienne blonde de Pete dans Chambre en ville. Tout à fait. Louise Harris avait en effet entrepris de lui trouver un partenaire afin que celle-ci puisse s'épanouir dans les liens du mariage. Crise de folle, sérieux. Oh! Je m'excuse, là. Mais pour la noce, la Britannique n'a pas lésiné sur les moyens avec un manoir loué à 2 500 € pour l'occasion, des gardes du corps pour les chiens. Ben, j'espère qu'elle a au moins invité un paquet des gardes du corps pour les chiens. Tu sais, le monde, ils ont des chiens de garde d'habitude, en tout cas. Ben, mais c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un claquer son fric comme pour ça. Pour des animaux. Pour des animaux, puis d'une façon totalement ridicule. Mais j'espère au moins qu'elle a invité plein de convives qui ont pu se bourrer dans le buffet, puis ouais, c'était juste boire sur le bras. Il y avait juste du Purina Dog Chow. Ah! Donc, pas moins de 13 000 € en fleurs. En fleurs. Parce qu'on sait que les chiens ont vraiment trip sur les fleurs. Une cérémonie digne de Kate Middleton et du prince William. Un tarif élevé, surtout lorsqu'on le connaît. Le nom de l'heureux élu, qui n'est autre que Mowgli, le chien le plus laid de Grande-Bretagne. Ah oui, il est laid, l'autre chien. Ben, ça a l'air Mowgli. C'était vraiment un... Je pense qu'on avait déjà parlé ici même au dîner de cons. C'était un asti chien laid, là. Je pourrais peut-être aller chercher vraiment. Les images. En tout cas, une union étrange et insolite que l'on souhaite cependant heureuse pour les deux partenaires à quatre pattes. Bah ouais, naturellement. Bravo, Louise Harris. Tu es vraiment une folle de ta chienne, pardon. C'est ce que je voulais dire. Hey, une découverte très extraterrestre exceptionnelle. Tu veux-tu entendre ça? Oui. Découverte donc d'un minéral terrestre ou extraterrestre, plutôt extraterrestre, totalement inconnu. C'est au cœur d'une météorite trouvée il y a plus de 40 ans que des scientifiques ont fait cette incroyable découverte. Elle avait été baptisée Yamato 691 et elle fut découverte dans un sol gelé de l'Antarctique en 1969. Et c'est tout récemment en étudiant cette météorite, qu'un groupe de chercheurs a fait une étonnante découverte. La météorite serait âgée de 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards d'années, hein? C'est quand même pas jeune. En effet. Et aurait en fait partie d'un astéroïde qui gravitait autour de la planète Mars. Des scientifiques coréens, japonais et américains ont découvert au cœur de la roche un minéral composé uniquement à partir de deux éléments, du soufre et du titane, qui possède une structure cristalline, pardon, jamais observée dans la nature. Baptisée la Wassonite en l'honneur du chercheur John T. Watson, bien connu pour ses travaux sur les météorites, ce minéral ne mesure qu'un centimètre d'épaisseur et l'épaisseur qu'un centième de l'épaisseur d'un cheveu humain. OK, il y en a vraiment pas beaucoup, là. Hein? Mais quand même, faut-tu le rechercher pour trouver un minéral qui mesure un centième de l'épaisseur d'un cheveu humain. Sauf que moi, ce que je veux savoir, là, c'est pas un alliage. Là. On a découvert un nouvel élément. Là. Oui, exact. Il va falloir le rajouter au tableau périodique des éléments. Puis c'est un métal extraterrestre. Je pense que j'ai jamais entendu une nouvelle aussi intéressante que ça. Ici. Ben, au dîner de cons, je voulais pas le préciser. Ah, là. Ben, on voit. Mais, non, mais dans la mesure où est-ce que je trouve ça vraiment fascinant de découvrir quelque chose comme ça de totalement nouveau. Je pense que c'est un grand progrès pour l'humanité puis que ça mérite d'être souligné, voilà. C'est merveilleux. Grâce à ces découvertes exceptionnelles, les chercheurs espèrent en apprendre davantage sur la formation et l'histoire du système solaire et ils comptent beaucoup sur le développement des nanotechnologies pour faire avancer leurs connaissances et puis nous aussi nos connaissances qui vont avancer par le fait même. Puis j'ai hâte d'entendre parler des propriétés de ce métal-là. Est-ce qu'il est extrêmement, conducteur, ductile, résistant? Dans le fond, imagine là, qu'on a obtenu le matériau le plus conducteur et le plus ductile au monde. Avec juste ce qu'on a trouvé dans météorite, on peut refaire tous nos filages de maison à toute la gang. Là, quoi? Hein, imagine. Ça serait magnifique. Une nouvelle quand même assez heureuse malgré un accident. Un alpiniste sort vivant d'une chute de près de 1000 mètres. Ça s'appelle 1 km, ça, 1000 mètres. Non, mais c'est comme sauter en parachute, pas de parachute. C'est là. Une chute. Un alpiniste d'origine tchèque est sorti vivant d'une chute pourtant très impressionnante, voire vertigineuse. Alors qu'il était en train de gravir un sommet en Slovaquie accompagné d'amis mercredi dernier, l'homme a chuté dans le vide durant 50 mètres. Mais sa mésaventure ne s'arrête pas là, puisqu'après sa chute, il a ensuite percuté des rochers avant de continuer de descendre le flanc d'une montagne avec un dénivelé d'environ 900 mètres. D'après les informations du site Warmarar, les secours ont pu intervenir rapidement. Heureusement. Oui, c'est ça. Auprès de l'alpiniste, il était grièvement blessé. Ce dernier a immédiatement été transporté dans un établissement hospitalier non loin de là. Un hélicoptère s'est ensuite chargé de récupérer les compagnons de cordée de l'alpiniste pour les amener au chevet de la victime. Oh, bon, ben heureusement qu'il a survécu. Ça me fait penser cette histoire-là au fait que la vie humaine, c'est à la fois extrêmement solide et extrêmement fragile. Tu peux faire là, une chute de 1000 mètres, là, t'es crabouillé contre les rochers, puis toi, s'il y a encore un petit peu de vie qui palpite survie. Là-dedans, tu peux tout réparer, là, puis quasiment remarcher une couple de semaines après, puis vivre une vie normale. Mais du moment que t'es mort, capote, fini, il n'y a plus grand-chose à faire. Bon, on sait qu'il y a des techniques de réanimation, des trucs de même, mais je veux dire, du moment que la flamme est éteinte, tu n'as plus de lighter. Ouais, mais comme tu dis, c'est que tu peux sortir ici, t'enfarger, tomber à la tête sur le terrazzo et mourir. Exactement. Et tu tombes à moins de 2 mètres. Puis, tandis que lui, il a fait une chute d'un kilomètre puis il n'est pas mort. Puis, j'ai déjà entendu, bon, il y a un de mes amis qui a des amis très malchanceux. Un de ses amis, d'ailleurs, qui s'est éclaté les testicules en skateboard. Mais ça, on va pas en parler trop longtemps. C'est trop douloureux à entendre. Et en même temps, trop drôle. Mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, Danny, t'as raison. Ben, on va laisser ça au gars à qui c'est arrivé. Mais il y a son cousin qui sautait en parachute et bon, ni le parachute principal ni le parachute de secours s'est ouvert. Heureusement pour lui, il est atterri dans des arbres et il s'est cassé les deux jambes puis un petit morceau de colonne vertébrale. Mais là, avec la réadaptation puis tout, il a une vie normale, il marche puis c'est comme si de rien n'était. Imagine, là, t'as sauté, là, lui, il a fait 2-3 kilomètres, là, il a sauté d'un avion, pas de parachute, là, comme un oiseau, là, puis il a sauvé. Un oiseau! Faut être vraiment, vraiment à la fois très chanceux et malchanceux, mais... Donc, tout ça pour dire que la réalité dépasse la fiction. Et sinon, en concluant, j'aimerais ça mentionner que j'ai pas trouvé la photo de Mowgli, le chien laid, mais j'ai trouvé la photo du chien le plus laid au monde et je l'ai mis sur la page Facebook du Dîner de cons. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le Dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. Il y a tout le temps de quoi? Il y a tout le temps de quoi? La vie est faite comme t'as pas joué. Sans qu'il fait trop frais, sans qu'il fait trop chaud, sans qu'il fait trop tard, sans qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi? La vie est faite comme t'as pas joué. Sans qu'il fait trop frais, sans qu'il fait trop chaud, sans qu'il fait trop tard, sans qu'il fait trop tôt. Exactement. Il y a tout le temps de quoi? Tout le temps de quoi? Tout le temps de quoi? Tu sais, je regarde ça, je me promène tout innocemment, tu sais, comme un innocent, comme je sais très bien le faire, d'ailleurs. Je remarque sur une pancarte, okay, une adresse de site internet, OK? Beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. Okay? Là, j'écoute à la radio une adresse beaucoup trop longue, beaucoup trop compliquée. Mettons, je te donne des exemples, OK? Mettons, la semaine passée avec Émilie dans sa craque plein air, on parlait du Mont-Saint-Anne, tu sais. Leur adresse internet, c'est genre mont, trait d'union, sainte au complet, trait d'union, anne.com. Raccourcis-moi pas ça, mais moi pas des traits. Tu sais, rien, non. Ou tu écoutes à la radio, OK? T'as, mettons, une adresse. Bon, mettons, c'est, je sais pas, ça pourrait être quoi, mettons, macaron.com, OK? Mettons que c'est macaron.com. Mais ils vont dire macaron.com avec un S à macaron. Un S à .com, tant qu'à ça. Rien, non, macaron.com, zin, non. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis au pire, dis-moi pluriel. Je suis capable de comprendre le mot pluriel. Oh, ouais. Pluriel, ça veut dire qu'il y a un S. T'sais. Dis-moi pas avec un S, comme t'es tombé une épine, t'es pas c'est quoi du pluriel. Hey. De toute façon, tu sais, avec la venue de Google, on peut taper, bref, n'importe quoi et puis. Macaron, mais non. Ouais, puis ils te le sortent, là. C'est ça, fait pas besoin de me le dire. C'est vraiment pas pour une épine. Ou, genre, je regardais encore des chroniques plein air, parce que c'est souvent des affaires, on dirait que les villes sont pas capables de trouver des adresses courtes. Lance-Saint-Jean.ca, tantôt qu'on va avoir, OK. Lance-Saint-Jean, c'est comme Lance, L'ANSE. Mais il y a pas d'apostrophe dans les adresses Internet, fait que c'est Lance, pas d'apostrophe, trait d'union saint au complet, d'unionjean.ca, c'est un petit peu compliqué. Non? Ouais. Un petit peu compliqué. Ou le Carrefour de Trois-Rivières-Ouest, OK? Carrefour, centre d'achat, OK? Grosse place. Là. Carrefour-Trois-Rivières-Ouest.com. Là, ils l'ont changé il y a quelques années, c'est rendu Carrefour-TRO.com. Mais Carrefour-Trois-Rivières-Ouest.com, c'est un peu long. Pour moi, je trouve. De toute façon, qu'est-ce qui se passe là? Il y a ça aussi. Un dernier, Lorne Gaulin, c'est ton dentiste. Ouais, c'est mon dentiste. C'est ton dentiste à ben, toi. Ben, c'était, ça fait longtemps que j'ai pas été. Là. OK. Mais son adresse internet, c'est lornegaulindentisterie.com. Sérieusement, il y a d'autres Lorne Gaulin en vie que tu es obligé de préciser dentisterie, là? Ben, ça pourrait, c'est lus. Il y en a pas. Non, tu fais lornegaulin.com, il y en a pas. Tu sais? Non. Il y en a pas. Fait que Lorne Gaulin dentisterie, là, c'est un petit peu trop descriptif pour moi. Puis déjà que Lorne puis Gaulin, c'est deux mots déjà difficiles à expliquer, tu sais. Fait qu'à un moment donné, un charry pas, tu sais. Hein? C'est ça. Faut faire attention. Faut faire attention à mes petits sentiments, là. Les adresses Internet, là, c'est... vous allez choquer Mathieu, là. 5 à 10 lettres, hein, là, puis un êtes, point com. Vous êtes content, là, il est choqué, là. Parce que moi, là, m'a emporté, là. Ouais, ça fait du bien d'en parler. Bon. Tu trouves pas? Oh, ouais. Est-ce que t'as déjà vu des adresses comme beaucoup trop stupides dans la vie, toi? Mais de toute façon, moi, sincèrement, pour vrai, pour les adresses, je me casse pas la tête Google, puis... Ouais. Mais tant qu'à ça, t'sais, tant qu'à t'en acheter une, magasine-la, trouve-en une courte, t'sais. Ouais. L'homme.com devait même pas être pris, t'sais. Non. T'sais? Non. On s'entend. C'est un drôle de nom, c'est un drôle de... Ben oui, mais il sait. Il a mis d'identiterie parce qu'il fait le préciser. Ça. Il y a peut-être une bonne raison. Peut-être qu'il est aussi architecte. Là, puis il y a peut-être Lord Gaulin architecte.com aussi. Là. Il y a des excuses peut-être. Dedans. Ça se peut, tu sais. C'est Lance Saint-Jean. Peut-être qu'il y a un Lance Saint-Jean avec, un ST, mettons, peut-être. Il fallait absolument qu'il prenne le S-I-N-T. Le pire, c'est dans les logos. C'est comme, mettons, le Mont-Saint-Anne. J'ai regardé ça, le Mont-Saint-Anne. Si je me rappelle bien, ils l'écrivent sans le S-I-N-T-E. Quoi ça? Mont-Saint-Anne. Non, ils l'écrivent au complet. T'as raison, ils l'écrivent au complet. Puis ils l'écrivent avec des traits d'union dans leur logo. J'imagine que c'est pour faire exprès pour avec l'adresse internet pour que tout fitte, là. On sait pas où c'est vraiment le nom, peut-être. Ouais. Ah, en tout cas, François, ça me tente de chialer aujourd'hui. Bon, c'est fait. C'est fait. Sors dehors, profite du soleil. Ouais, non. Quand même pas, là. Moi, pas sortir dehors.com. Hein, ça pourrait être en dedans.com. ça pourrait être plaisant. Ouais. Non? Pourrait. Oh. Pourrait aussi ne pas. Mais il n'y a pas encore de bébites, là. Je peux encore y aller dehors. Oh ouais. Non, les bébites, ça vient juste au mois de juin. Ouais, c'est ça. T'as le temps en masse. Chose à la fin. T'as le temps en masse d'en profiter. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et on débute à l'instant avec cette photographe qui se promène nue en plein New York. Voici une femme donc qui n'a pas froid aux yeux, et pas seulement pas froid aux yeux, pas froid partout sur son corps. Elle s'appelle Erika Simon et c'est une artiste photographe née à Paris. Elle vient de réaliser une étrange galerie d'autoportraits la montrant très naturellement dans des scènes de la vie quotidienne alors qu'elle est entièrement nue, que ce soit en pleine rue ou au guichet d'une banque ou encore dans une bibliothèque. Erika Simon ne cache rien et s'expose en effet à la vue de tout le monde. Cette série de clichés photographiques intitulée New York, hein, on voit le lien, Self-Portrait of a Barry Urban Citizen, que l'on peut retrouver en intégralité sur le newyork.com. Je vais mettre le lien sur la page Facebook du Dîner de con quand Facebook me le permettra, parce qu'en ce moment, on dit que mon compte est temporairement indisponible. C'est un peu triste, mais bon, n'ayez crainte, je vais mettre l'adresse quand même. Elle n'a toutefois pas, c'est pas pour choquer qu'elle fait ça, dit-elle. Et selon Erika Simon, le but est plutôt d'engager une réflexion sur la place qu'occupe le vêtement et les codes sociaux qui en résultent. Photographiée en grande partie dans la ville de New York, et ça fit bien avec le nom qui s'appelle New York, les prises de vue de la jeune artiste n'ont cependant pas dû faire l'unanimité auprès de la population et des forces de l'ordre, celles-ci interdisant formellement à quiconque de se promener nu sur la voie publique. Donc, pour découvrir cette série photo d'Erika Simon, allez voir sur la page Facebook du Dîner de con dans quelques minutes. Sinon, tapez nu, N-U-E, tradeunionyork.com et vous allez y retrouver toutes ces belles photos. Quand même assez intéressant. Maintenant, on reste dans le monde de la photographie et des œuvres d'art. C'est le crucifix dans l'urine, l'œuvre d'art qui fait encore graisser les jeunes ados cathos. Créée en 1987 par l'artiste américain Andrés Serrano, cette photographie représente un petit crucifix en plastique immergé dans un verre rempli d'urine de l'artiste. On en avait parlé ici lors d'un diaporama des œuvres qui choquaient ou controversaient. Depuis, elle a fait d'objet de nombreuses controverses, bien sûr, aux États-Unis, puis en Australie, où la photo a été bannie complètement. Mais nul aurait pensé que le cliché ait même un même accueil en France. Et pour cause, en 2007, Piss Christ, ça s'appelle comme ça, cette œuvre d'art, a été exposée 4 mois à la collection Lambert d'Avignon. Et son retour le 12 décembre dernier à l'occasion d'une exposition intitulé « Je crois au miracle ». Avignon encore ne devait donc pas encore poser de problème. C'était sans compter la pétition lancée par les jeunes catholiques du mouvement Civitas. Ces derniers se qualifient comme un mouvement politique regroupant des laïcs catholiques engagés dans l'instauration de la royauté sociale du Christ sur les nations et les peuples en général, sur la France et les Français en particulier. Enfin, toute une organisation. En somme, des ultra-catholiques proches de l'extrême droite, résume le journal La Libération. La pétition lancée par ce groupe de jeunes désireux de re-christianiser la France a recueilli près de 35 000 signatures selon le site de Civitas. Monseigneur Caténoz, évêque d'Avignon, qui ne cache pas sa sympathie pour l'extrême droite, a donc emboîté le pas au mouvement dans un communiqué. Il s'insurge, et je le cite, « devant le côté odieux de ce cliché qui bafoue l'image du Christ sur la croix, je me dois de réagir », dit-il. Par contre, moi, si je dirais ma vision des choses, premièrement, l'œuvre est très belle. On dirait que le crucifix est comme en feu. C'est juste parce qu'on le sait que c'est de l'urine, parce que l'œuvre est vraiment magnifique. C'est une très belle image. Et puis, en partant, très belle image, oui, mais quand notre... Et j'ai rien, je suis de descendance catholique, hein, je suis rien contre ça, mais quand ton symbole est un homme cloué sur une croix, il faut pas se fâcher après s'il est utilisé ailleurs. Et puis, c'est pas l'œuvre la plus remplie d'espoir, moi, je trouve. En tout cas, pas l'œuvre, mais c'est pas le symbole le plus rempli d'espoir, un homme qui a été cloué sur un morceau de bois. Mais bon, en tout cas. Dimanche après-midi, l'abbé de Caqueret, lui, a organisé quant à lui une prière devant la galerie Lambert d'Avignon. C'est donc à genoux qu'une trentaine de croyants venus de Bouches-du-Rhône, du Gard et de Vaucluse ont fait une prière de réparation en réaction à cette œuvre blasphématoire. Par mesure de sécurité, le musée était fermé samedi à 17h et dimanche toute la journée. Hein? Encore des bien-pensants, encore des gens qui veulent penser pour nous. Et qui prend les personnes pour des cons, finalement. Parce que, je veux dire, si l'œuvre t'intéresse pas, vas-y pas, mais t'as pas à te fâcher pour une œuvre d'art, en tout cas. Une dernière petite nouvelle avant de poursuivre. En musique, eh bien, c'est un sachet surprise de Javel dans un Happy Meal, ou si vous aimez mieux, un joyeux festin chez McDonald's. C'est dimanche après-midi que la mésaventure s'est déroulée, donc rapporte le Radio Scoop, un petit journal. La petite Nesrine, 2 ans et demi, est allée manger avec ses parents au restaurant McDonald's de Monterreno, donc près de Saint-Étienne, dans le Loir. La fillette a d'abord commencé à manger son sandwich normalement avant de sortir de son Happy Meal une pochette qui n'avait rien à voir avec le jouet qu'elle aurait dû y retrouver. En effet, aux côtés de sa surprise et de sa portion de frites, et bien sûr de son yaourt, il se trouvait un sachet ouvert rempli d'eau de Javel. Quand ses parents ont aperçu le sachet, ils ont immédiatement amené la petite fille à l'hôpital, craignant qu'elle ait ingurgité un peu d'eau de Javel en mangeant son hamburger, rapidement conduite au service des urgences pédiatriques de l'hôpital Nord. Eh bien, l'enfant va bien aujourd'hui. Aucun problème n'a été retrouvé. Et puis, suite aux analyses, elle n'a pas avalé d'eau de Javel, mais il y avait quand même un sachet d'eau de Javel dans son joyeux festin. Son père, Mohamed, confie « Ça fait très peur, je le cite, ça aurait pu tomber sur n'importe qui. L'homme a décidé de porter plainte contre le restaurant de Montréno et de son côté, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire. » Bien sûr, le restaurant McDonald's, c'est rare qu'il s'exprime dans des cas du genre. Mais bon. Hein? Tantôt, ce qui s'en vient, eh bien, un diaporama sur les livres anciens. On va aller voir aussi si la page Facebook veut revenir. Mais bon, pour l'instant, elle semble morte. Même tout mon Facebook là, semble mort. Mon compte est temporairement indisponible. C'est un peu triste. Ça donne pas très bien durant le dîner de con, mais bon, c'est comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Bonjour Émilie. Allô. Bonjour madame. Je peux continuer de t'appeler Émilie même si maintenant apparemment tu t'appelles Marie-Claire White. Ouais, c'était une blague. Ah. Je vais trouver drôle ça. Bon, il est bon, il est bon. Et Colin, donc, Émilie, aujourd'hui, c'est bien la chien. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, tu nous parles de sortir en amoureux, d'endroits où sortir avec ton copain, copine, ou... Ben c'est ça, c'est ça. Ça porte à confusion parce que là, quand Mathieu m'a annoncé ça, j'étais là, c'est-tu des places dans le bois où on peut... Retiens-toi mais... ici, là. Non, mais c'est un ça. Un peu mais... comme si tu te retiendrais dans le bois. Ben, oui, c'est ça. C'est pas des cannes naturistes, là. C'est pas des... Il y en a un que dans la description de l'endroit, c'était plus suggestif. Assez allé, oui. Oh, ouais. Mais j'ai essayé de mettre ça un peu plus neutre. Non. Mais là, j'ai pas la description originale. Ah. Mais c'était genre quoi? C'était... Ben c'est, comme c'est le premier, là, c'est le refuge intime au parc d'Aiglebel, déjà là. Okay, déjà, refuge intime, ça, hein, c'est un bel. Dans ouais. la description, ça disait que c'était un très petit chalet isolé des autres. Il y en a même que tu peux pas t'y rendre en auto, faut que tu t'y rendes à pied. Donc, tu es très isolé des autres petits chalets. Et puis, en tout cas, je vais arrêter là, là, mais il était très suggestif, je trouvais. Mais moi, je vous l'ai mis... plus radiophonique. Oui, c'est ça. Merci. C'est propre. J'aime c'est ça. Plus propre, oui, c'est ça. Mais peut-être que les chalets sont propres aussi. On peut-être sait pas. Qu'ils sont lavés une fois de temps en temps, j'imagine. Espérons-le. Ah oui, ben, t'as comme un genre de sofa qui se transforme en lit. C'était pas un sofa lit, mais c'est un sofa qui se transforme en lit. C'est rarement confortable, mais bon. Ouais. Ouais, comme mais quand t'es dans le bois puis que t'as marché toute la journée, n'importe quoi est confortable. Ouais, c'est ça. Pour faire, ouais, ouais. C'est ça. Mais pour faire la sauce à spaghetti. Oui, c'est ça, ben oui. J'imagine qu'il faut que tu apportes ton sleeping bag et que tu n'as pas les draps fournis sur place. Là, faudra aller voir sur le site de la CEPAC.com okay. pour savoir si on doit apporter nos draps aussi. Voilà. C'est une bonne chose à aller voir avant de se rendre. Oui, bon, je vais recommencer. Pour vrai, là. Oui, vas-y. Ouais, c'est ça. Voilà. Le refuge intime au parc d'Aiglebel, c'est vraiment une multitude de petits chalets très intimistes qui favorisent les rapprochements. OK, ouais. C'est ça. Hein? Hein? Ils sont tous situés au bord des lacs qui sont dans le parc d'Aiglebel. C'est en Abitibi-Témiscamingue, mais les photos étaient vraiment de la vue. Et en tout cas, ça avait l'air bien Une vue imprenable, tu peux juste pas la prendre. C'est ça, exactement. Ouais. L'espace et l'aménagement sont très restreints à l'intérieur des chalets. Je vois ton texte. Des chalets en bois rond. Hein, c'est des chalets en bois rond. Ouais. Les chalets en bois rond. Non. OK. Fallait je pense que Mathieu est parti. Ouais, ben non, mais c'est une affaire de refuge intime. On l'a starté. Là. Oh. On arrête starté. Ouais. Ah, bon. Allez, petit... C'est un petit peu tôt pour ce genre de jeu de mots-là, ouais. J'avoue. Ouais, ça, ben une fois. Mais ouais. Pour le monde qui se réveille, genre, il est 8h06. Le monde se réveille. C'est ça, ils ont peut-être le bois rond. Ben, ouais. Bon. Avec un sofa qui se transforme en lit. Il y a un petit poêle à bois qui était à deux pas du lit, puis c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le petit chalet. Ouais, t'as même pas besoin de te lever. Tu peux mettre des bûches dans le poêle. C'est ça. Oh. Euphémisme ici. Bon. Par contre, même si c'est des très petits chalets, le parc, c'est vraiment énorme pour faire des activités en plein air. Il y a du kayak sur les nombreux lacs. Il y a environ 50 km de sentiers dans le parc. Et puis, après ça, ben, la petite soirée romantique dans le petit chalet. Une autre sorte de cake dans une autre sorte de lac. Ah, oh, ça, c'était... non. Je suis allé trop loin, j'avoue. Ouais, je pense que non. Ça marchait pas. Sinon, pour plus d'informations, www.cepac.com ou 819-637-7322. Merci pour celui-là. C'était vraiment bien. C'était le seul. Après ça, je pense que ça va aller mieux. Ah, c'est fini? Ben, c'était le plus... déroger. Si okay, j'en aurais pris d'autres. Camping sur l'île d'Anticosti, c'est notre prochaine sortie en amour. Oui, je ne savais pas, mais l'île d'Anticosti, la plus grande île du Québec. Pas ça, c'était Montréal, mais ça a l'air que non. Les paysages sont vraiment d'une... C'est vraiment beau pour être allé un après-midi. Je serais restée là encore longtemps. Il y a beaucoup de chasse, là. Hein? Il y a des secteurs que oui. Là. Je pense que c'est plus chevreuil et des choses comme ouais, ça. Ouais, chevreuil, ornial... Je pense que, en fait, là, ben, tu vas là, t'es pas mal sûr de pogner quelque chose. Mm-hmm. Ouais. Ben, y a les sœurs de Virginie qui sont vraiment là. Même que sur l'île, il est quand même fréquent d'observer des sœurs de Virginie qui mangent des algues. Oh! Oh. Et ici, inscrit dans la description de l'endroit. Oh. Ou des phoques qui se prélassent au soleil. Voilà. Des phoques, là? Ouais. Oh, ouais. Oh. Ouais. Ça a l'air assez fréquent. Faut je vais aller là. Pas aller, mais. Donc, il y a des campings près des rivières et de la mer. Il y a le camping Chicotte qui offre des emplacements aménagés. De là, on peut partir pour explorer la forêt. Il y a des canyons sur l'île d'Anticosti. Il y a des anses de galets aussi. Ça, c'est vraiment beau à observer. Il y a le sentier de randonnée, le Petit Canyon, qui va longer le canyon, évidemment, et qui débouche sur de grandes roches plates aux abords d'une eau turquoise où on peut se baigner. Ouh, j'aimerais ça. Oui. La doit être un peu frette, par exemple. Un peu. Sur la plage, il est possible de parcourir à cheval les côtes. Oh, hein, c'est sensuel. Ça, là, c'est très feu de l'amour. Là. Oui, c'est, vraiment. Oui. Comme je disais, il est fréquent d'apercevoir des phoques, des cerfs de Virginie. L'île est aussi agréable pour des promenades en vélo ou de l'exploration de grottes. Ah, exploration de grottes, tu l'as pas mis dans celui d'avant. Hein, c'est, non. Pour en savoir plus, 1-800-463-0863 ou encore là, cepac.com. Mais dans le bed and breakfast, toujours eu de la misère avec cette expression-là. On dirait que les... Moi, j'appelle ça un bébé, là, Un B&B. Ouais. En français, ils appellent ça un couette et café, genre. C'est vraiment laid, je sais. J'ai jamais entendu ça en français. Ouais, c'est affreux. Partout, quoi, t'es café? Quelque chose de genre. Tu sais, il y en a un à Trois-Rivières, puis c'est écrit bed and breakfast. Ouais, parce que les gens connaissent l'expression. Okay. Bed and breakfast, c'est plus quoi, anglophone. Café. Genre. C'est aux îles Mingan qu'on se rend. Oui, c'est l'archipel des îles Mingan. C'est des îles à la côte. En côte nord, voyons. En côte nord. Là-bas. À la côte nord. Là-bas. Dans le nord. Côte nord, oui, c'est ça. On peut vraiment être hébergé comme des rois au gîte de Lens. C'est au cœur du Havre-Saint-Pierre. L'atout de ce petit gîte-là, c'est la vue que, sur la mer qu'offre les cinq chambres et la plage qui est vraiment à même le terrain. L'archipel de Mingan donne accès à plus d'une centaine de kilomètres d'eau navigable autour des petites îles. Les plus grosses îles offrent des sentiers d'expédition et de randonnée pédestre. Il y a environ 24 km de sentiers partout sur les îles, là, éparpillés. Les meilleurs mois pour séjourner paisiblement en amoureux, là, ils suggéraient juin ou septembre parce que les deux mois de vacances sont assez, assez bouqués. Juillet et août sont remplis pas mal. Oui, pas mal. Donc, 418-538-1602 pour plus d'informations. Ouais. C'est tant mieux parce que les étudiants, je veux dire, finissent... Ouais. Relativement tôt leurs études en saison estivale, donc il y a peut-être du temps avant les vraies vacances des ouais. gens qui sont pas étudiants. C'est même avant même que le cégep termine. Là, ouais. Nous, on termine fin avril et puis cégep, je pense qu'il termine mi-mai. Donc, il y a un petit deux semaines là, que c'est vraiment juste nous, les universitaires, qui sont en congé. Ouais. Donc, je pense que ça vaut la peine. Mm-hmm. On continue notre petite escapade amoureuse dans la chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Tu nous suggères des endroits... qu'il soit près ou très, très loin, dépendant. Oui. Pour sortir en amoureux, parce que c'est ça qu'on fait en amoureux. On part en voiture, on chicane deux, trois fois. On arrive là-bas, on se revient normal. Ouais. Ça, on se rechicane en revenant. Ouais. Tout est beau. Ben, souvent, la chicane, c'est parce que le copilote n'a pas donné les bonnes directions. Le GPS ne suit pas des fois. Moi, c'est surtout ça mon problème. Moi, j'ai pas de GPS. Le GPS, là, ça dépend vraiment des marques. Hein? Ouais, ben, ça doit dépendre si tu as fait tes updates aussi. Puis si tu es dans un chemin qui n'est pas répertorié, mm-hmm. tu es dans la merde. Oui, parce que des fois, il y a des routes qui s'ajoutent avec le temps et puis ils ne sont pas rajoutés dans le GPS. Bon. Ou comme la petite fille là, qui s'était perdue en se rendant au Nouveau-Brunswick dans un rang. Uh-huh. Je pense que le rang n'était pas répertorié. Sûrement pas. Et l'autre qui suivait son GPS qui est descendu dans l'eau, quelque chose. Oui, c'est ça exactement que Danny dit dans son émission de Dinotcon, ça date, là, par exemple? Ouais, ça date un peu, mais la fille suivait vraiment beaucoup trop son GPS. Elle s'est ramassée en plein milieu d'un lac ou d'une rivière ou d'un ruisseau, je sais pas, et t'es pognée. Bravo. Tu check pas en avant, tu check, tu sais. Continuez tout ça, droit! Ah oh, oui, c'est une rivière, y a pas de problème. Ça, c'est très drôle. Ah, ça, c'est... Non, mais là, on se serre un peu de sa tête, s'il vous plaît. Là. Ça, c'est vraiment s'il très vous drôle. S'il non, mais... Non, ouais. Si, coudonc, veux-tu faire une chronique tout le temps de quoi? Hey, on va être donc. On continue avec le vélo de montagne fougueux au Mont Commis, Émilie. Oui, ça c'est peut-être pas pour les petites filles qui n'aiment pas se salir. Dit-elle en se touchant les bras. Ouais, c'est qui n'aiment pas se salir. Donc c'est toi, c'est pas pour toi, c'est ça? Non, j'aimerais ça. Ah, bon. Oui. Je te connaissais pas de main. Non, bien mm-hmm. sûr. J'aime ça à la boîte. Dirt. Batte dans la boîte, là, tu sais. Donc, la on disait. Pas bien. C'était une drôle de journée. Le vélo de montagne fougueux, qu'est-ce que ça veut dire, vélo de montagne fougueux, dis-moi? Ben, du vélo de montagne, c'est déjà fougueux à la base. Ah! Je me pensais pas fougueux moi-même. Tu fais du vélo de montagne? Non, pas non. de montagne, mais ça peut être un vélo de montagne, mais je l'utilise pas dans les montagnes, mettons, tu sais. Ok, ouais. Oh, ouais. Mais utilisé au Mont Commis, par exemple. Mais c'est ça, si tu l'utilises pas dans une montagne, c'est là qu'il devient plus fougueux. Ok, ben je pense. Donc je suis pas fougueux. Pas mal, ça. Non. C'est quand c'est utilisé en terrain approprié. Non. Fait que, comme ça l'expliquait si bien sur la page, pour les amateurs de vélo de montagne et de bouette, c'est vraiment la place où aller. Tant mieux. Le parc du Mont Commis est situé dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a un sentier de 25 km qui sont d'habitude les hôtes aussi de plusieurs compétitions de cross-country et de descente. Il y a des pistes pour tous les niveaux d'expérience. Il y a 11 des pistes qui sont des descentes accessibles aussi par des remontes-pentes. Donc, on n'a pas besoin de remonter son vélo à pied. En bas, il y a 18 km de sentiers qui sont attribués au ski de fond normalement, mais qui peuvent aussi servir de labyrinthe de terre et d'arbres. Ah! C'est sympathique, ça. J'aime bien. Oui. Fait que je pense que si quelqu'un a le goût de faire plus que du vélo de route, le goût de s'aventurer un peu, je pense que ça doit être quand même assez intéressant d'aller explorer le sort. Ouais. Donc, www.mont-comi.ca ou 1-866-739-4859. Évidemment, les numéros de téléphone et les adresses Internet sont sur assemblagerequis.com. Pas de stress. No stress. Don't worry. Il nous en reste quelques-uns encore. L'escalade au Mont Pinacle, maintenant. Oui. Tout d'abord, pour accéder au site principal, on doit faire une petite marche d'environ une heure. Petite, oui. OK. Une fois arrivé, il y a une centaine de voies de difficultés variées qui s'offrent à vous pour l'escalade. Même les personnes débutantes là, ont accès à un rocher école, comme on appelle ça, pour se préparer à attaquer quelque chose de plus gros. Là, je pense que ça s'appelait le monstre ou le dinosaure, quelque chose comme ça. Là, quelque chose de vraiment menaçant. Tu sais, c'est de ne pas s'empêcher. Là, s'il y a quelqu'un qui n'en a jamais fait, puis vous êtes en couple avec quelqu'un qui est plus expérimenté, ben, je pense que vous pouvez avoir une belle journée toutes les deux, puis vous amuser. Mm-hmm. On peut tomber parfois face à face avec un faucon pèlerin, tout bonnement. Ah, bonjour! Mais quelques voies sont fermées pour leur laisser la vie un peu plus facile depuis quelques années. Arriver en haut de la falaise, c'est quand même 190 mètres, donc ça l'offre. Et quand même. C'est ça. Fait que le belvédère naturel, il va quand même offrir une très belle vue sur le lac Lister et sur le parc Harold F. Baldwin. Est-ce que c'est un autre des frères Baldwin, les acteurs? On sait pas. Je sais pas. Harry Baldwin, non? Aucune idée. C'est t'as Stephen Baldwin, t'as Adam Baldwin, t'as Jeff Baldwin. Non? Ben, on va voir sur Internet. Laisse faire. Sinon, www.tourismequaticook.qc.ca. Nous en reste deux petits. Le kayak double au parc régional du Poisson Blanc Blou Blou. Oui. Premièrement, les photos étaient vraiment belles. Le petit chalet avait de l'air très beau. Très beau. Oui, c'est ça. Rien d'autre à dire. C'est vraiment des superbes paysages pour les personnes qui vont aller se promener sur le secteur des poètes du Sentier des Caps. Le sentier de 28 km est divisé en plusieurs sections. Le secteur des poètes relie l'Anse-Saint-Jean et le Petit-Saguenay sur un parcours de 10 km dans une belle forêt avec des points de vue imprenables. Imprenables. Je vais garder ton mot, j'aime ça. C'est un beau mot. Hein? Du haut des Caps aussi, on peut respirer le grand air du Saint-Laurent et le grand air du fjord où se promènent quelques baleines. Oh. Donc, www.lance-saint-jean.ca. Tu vois, c'était dans une de mes chroniques et tout le temps de quoi, c'était celle-là. Là. Lance, trait d'union, saint, trait d'union, Jean, saint au pluriel, au complet, et lance, pas d'apostrophe, parce qu'il n'y a pas d'apostrophe sur Internet. Et des traits d'union entre chaque mot. Ouais. C'est belle adresse, très belle adresse. C'est beau. Randonnée isolée au sentier Les Caps au Saguenay, maintenant. Oui, ben c'était pas mal ensemble, là. Les deux se complétaient. Il y a l'archipel de 80 îles sauvages qui permet vraiment d'être tout seul sur une petite île entourée d'un réservoir de 30 km de longueur. Donc, ça me permet d'être encore isolé, un peu comme le premier endroit dans son petit chalet. On peut y faire de l'escalade, il y a des randonnées sur le massif du Diable. C'est un bel endroit pour se ressourcer, se trouver seul un peu. C'est ça. Fait que www.poissonblanc.org. Ah, tu peux pas mettre les blou-blou dans une adresse internet non plus. Il n'y a pas, d'apostrophe, mais il n'y a pas de blou-blou. Ben, on pourrait écrire bloop-bloop, si tu veux. Bloop-bloop, poissonblanc.org. Ça serait intéressant. Okay. Ouais, ça serait bien intéressant, je pense. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Merci, Mie. Hey, merci, Émilie. Tu m'as donné le goût d'aller voir l'île d'Anticosti. Sérieusement. Ah oui? Oui. Tant mieux. C'est ce que j'allais voir sur Internet. Là. Mais ça doit quand même coûter cher parce que faut-il aller soit en bateau, soit en avion. Ou... Aucune idée. Ouais, c'est mais si c'est loin ce qu'ils disent. Ouais, c'est très loin. Et puis le bateau part, là, il part de midi et demi à Rimouski pour cette île et arrive vers minuit et passe minuit à quai. Donc, Le mercredi matin, il quitte cette île, donc c'est quand même long. Là. Mais c'est quand même moins long que de se rendre dans un autre pays ou sur un autre continent. Donc, tu sais, c'est un voyage dans un plus court laps de temps. Peut-être que tu pourrais réussir à faire peut-être une fin de semaine ou non. Ben, c'est ça, mais je sais pas, là. Je sais pas. Parce que d'après moi. Ben, là, on n'est pas en saison forte non plus. Non. Peut-être qu'en saison forte, il y a un plus gros roulement, là. Non, mais ça débute en fait début avril jusqu'à la mi-janvier. Sinon, sinon, le transport est fermé par bateau. C'est ce qu'il indique. OK, donc présentement, là, ça vient d'ouvrir. Ouais. Et ça va être comme ça tout l'été. Sinon, on peut y aller par les airs aussi, mais par les airs aussi, ça doit coûter quand même. Traversier, habituellement, c'est pas super dispendieux. Mais je pense même pas que ça soit un traversier parce que ils disent que l'autre bord, tu peux louer un camion. Ah! Parce que traverser, en fait, tu traverses avec ta voiture, mais là... C'est que tu traverses à pied, puis une fois rendu dedans, il y a peut-être des choses à faire dans ce traversier-là. Peut-être. Dans ce bateau-là. En tout cas, moi, je trouvais que ça avait de l'air belle. Oh oui, ça a de l'air super beau. Mm-hmm. Peut-être quand vous aurez une semaine c'est de congé. Très joli. Très joli? Très joli. Tu vas y aller? Ah, je sais pas. Tu vas nous en parler? Je sais pas. Non. Je sais pas. On verra. À savoir comment ça coûte. Donc, merci beaucoup encore une fois, Émilie Gauthier. On te retrouve la semaine prochaine, mardi à 8h. Oui, pour ma dernière chronique. C'est vrai, c'est la dernière semaine. François. C'est bien méchant. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh. Non, mais je dis, attendez, je m'explique. J'ai dit « yé » parce qu'on va pouvoir se lever plus tard. Pas parce que tu seras pas là, voyons. Ou t'aurais-tu dit, genre, « yé », ça va être la meilleure chronique qu'elle a jamais faite parce que c'est la dernière. Non, sa meilleure chronique, c'était aujourd'hui. Ah, parce que chacune est meilleure que l'autre d'avant. C'est ça. Ah! Hein, c'est fun. C'est correct. Je te pardonne. Bon. Merci, Marie-Claire. Le plaisir. Vraiment agréable. Callback and Black d'il y a 15 minutes. On aime ça. Oui. C'est ça. Pourquoi vous faites des bruits d'écureuil? Parce qu'on aime ça. Ouais. On en retrouve sur l'île d'Anticosti. C'est ça, c'est dans la sûrement, nature. Sûrement, ben oui. Ou c'est des bruits qu'on peut retrouver dans les chalets. Bon, OK. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On va y aller, on vient d'écouter pas mal de musique quand même. On va y aller avec quelque chose de gros d'habitude, les diaporamas, ça prend quand même du temps. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller. Je vous dirais, rendez-vous sur fluctua.net. .net, pas netre, net, N-E-T. Et puis, j'aimerais ça vous dire, allez sur la page Facebook, mais ça marche pas en ce moment. On va quand même aller faire le diaporama des livres anciens, conformistes hier, subversifs aujourd'hui. Hein, ce qui était moralement acceptable il y a un siècle est-il encore aujourd'hui? C'est la question que pose cette année le Salon du Livre Ancien et de l'Estampe en affichant la thématique « politiquement correcte » avec un point d'interrogation pour son édition 2011. Véhicule des grands courants de pensée dominants ou complices de toutes les avant-gardes, les livres anciens sont le meilleur témoin des certitudes d'hier. Exposés aujourd'hui, ils permettent de prendre conscience qu'un bon nombre de critères moraux se sont inversés au fil des années. Du côté des ouvrages... Autrefois conforme à l'esprit du temps, portant notamment sur l'inégalité des sexes et des races qui choquent ou amusent aujourd'hui, de l'autre, des exemples de titres qui firent déjà scandale en leur temps. Alors, politiquement correct, hein, point d'interrogation, les livres anciens, on le sait pas. Jugez-en à travers notre petite sélection qu'on vous présente à l'instant. Et on débute, on lance le diaporama, on y va drette là. Donc, on part avec le premier titre, « Comment... » comment Fukiri et Bamboula sont devenus chrétiens. Hein? Ça commence comme ça. Donc, c'est un petit chef-d'œuvre de la littérature rétino-coloniale, mais on nous dit crétino-colonial, jeu de mots, destiné à la bonne éducation de nos chères têtes blondes Fukiri jaunes et Bamboula noires. Pauvres petits païens ne pensaient qu'à dormir, manger, s'amuser à tourmenter les autres sans jamais penser au petit Jésus. Mais leurs âmes furent sauvées par une petite fille blanche, qui s'appelle Bécassine, qui pria beaucoup pour eux. Ainsi, Fukiri et Bamboula devinrent chrétiens. Ils apprirent ce qu'il faut pour faire plaisir au bon Dieu et devinrent de petits chrétiens très pieux et très sages. Hein? C'est quand même assez drôle, ce petit livre. Madame la bondage, tu sais, du bondage, là. Madame l'abondage, écrit par Jean Bilbrew de 1923 à 1974, qu'elle a été sur cette planète. Eh bien, est un illustrateur américain qui, suite à sa rencontre avec l'artiste fétichiste Eric Stanton dans les années 50, se spécialise dans le bondage. Sa bande dessinée humoristique en noir et blanc, Madame l'abondage, paraît pour la première fois en France chez les humanoïdes associés. Elle est aussitôt interdite par un arrêté ministériel et aura l'honneur de figurer dans l'exposition de l'horrible organisée par M. Pasca en 1987. Madame l'abondage. Très, très belle illustration, vous devriez voir. Maintenant, troisième livre dont on vous parle, eh bien, La casquette du maréchal Staline. Eh bien oui, fabrique-toi une casquette, Staline. Au verso de ce livre se trouve le patron et les instructions pour la découpe et le montage de la fameuse casquette grandeur nature de Staline. Le nom du dictateur ne sonnait évidemment pas de la même façon à l'époque. Imaginez aujourd'hui la tête de votre marchand de journaux si vous lui demandiez ce genre de titre quand même. C'est intéressant de voir que les temps changent. Hey, maintenant, quatrième livre, eh bien, La vie sexuelle de Robinson Crusoe par Michel Gall. Eh bien oui, vous ne le saviez pas, mais Robinson était en fait un obsédé sexuel, très content de rencontrer Vendredi, qui était plutôt coopérant, qui était beaucoup plus coopérant que les chèvres. Trois petits points. Eh bien oui, l'édition de La vie sexuelle de Robinson Crusoe fut d'abord publiée en anglais sous un pseudonyme par Olympia Press à Paris. Cette relecture osée du classique de Michel Tournier fut interdite par un arrêté aussi ministériel lorsqu'elle parut en français chez Christian Bourgeois en 1970. Hein? Il était bien content de rencontrer Vendredi, qui a été son petit esclave. Cinquième livre, eh bien, La psychologie de la race allemande. Cet essai sur la psychologie de la race allemande, publié en 1917 par le docteur Edgar Berillon, s'inscrit dans la théorie de la dégénérescence, très en vogue à la fin du 19e siècle, qui a donné lieu à de nombreux ouvrages dans le même genre, comme Le dressage de jeunes dégénérés, qui était un autre livre. Edgar Berillon, La psychologie de la race allemande, d'après ses caractères objectifs et spécifiques, donc 1917, chez Malouane et fils éditeur. Assez spécial. De classer comme ça, bon, ça c'est de la race allemande, c'est leur psychologie. Hein, c'est quand même assez spécial. Donc, le dictionnaire des insultes peut être assez intéressant, ça aussi. En sixième, donc, un manuel pour apprendre à être odieux en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol et avec la transcription phonétique et les conseils sur la prononciation. C'est quelque chose que j'aimerais bien mettre la main là-dessus. Donc, dictionnaire des insultes dans cinq langues. Hein, pour pouvoir insulter un peu tout le monde quand on est en voyage. Ça peut être assez intéressant et pratique. Maintenant, en septième position, les vivisections. Manuel de vivisection, ce manuel, donc, publié en 1982, présente de nombreuses figures expliquant comment découper son animal. Ça peut être assez pratique, hein, si vous allez à la chasse. Non, la SPA ne sévissait pas encore et n'avait pas approuvé cette publication qui date de 1882, sous manuel de vivisection. Assez intéressant. En huitième, eh bien, Châtré par sa femme. C'est le titre de ce livre qui est tout à fait sanglant, une pochette qui en dit long. On voit l'homme couché sur le dos, presque en train de mourir, vraiment à souffrir, et la femme avec son couteau et les mains complètement saignantes. Signé Paul de Sémar et Camille Gramaccini, Châtré par sa femme raconte l'histoire de la vengeance d'une femme trompée. Comme l'indique la couverture, ce roman populaire du début du 20e siècle relève d'une série intitulée « Crimes et criminels étranges, mémoire d'un directeur de prison », récit avant-gardiste donc démontrant l'égalité des sexes, ou stigmatisation de la femme en hystérique sanguinaire. Hein? Ça fait, je vous dirais, allez voir cette pochette, Châtré par sa femme. Le neuvième livre dans notre diaporama, eh bien, Défense d'apprendre à lire aux femmes. Ouf, hein? C'est sorti en 1801, donc publié pour la première fois justement en 1801. Ce projet de loi portant sur la défense d'apprendre à lire aux femmes fait suite à l'abrogation donc par le code de Napoléon la même année des droits acquis par les femmes pendant la Révolution française. Sylvain Maréchal, auteur, propose 113 arguments contre la lecture des femmes, affirmant par exemple que l'amour honnête, le chaste hymen sont antérieurs à l'invention de l'alphabet et de l'écriture et peuvent encore subsister sans elle, où le frontispice représente une femme lisant et un diable regardant derrière son épaule, de quoi terrasser une armée de chiennes de garde. Et là, ne vous fâchez pas, les dames, hein, et ne m'envoyez pas vos brassières en feu, s'il vous plaît. Mais c'est lui, Sylvain Maréchal, qui avait écrit ça en 1801. Mais trompez-vous, aujourd'hui, on est en 2011, là. C'est que de l'information. En 10e position, eh bien, le Code noir, guide officiel de l'esclavage. Ouh! Donc, promulgué en 1685 et imprimé pour la première fois en 1718, le Code noir définit le statut des esclaves auxquels on reconnaît une âme, mais qui sont traités comme de pures marchandises. Cette ordonnance, en réglementant l'esclavage, tend donc en fait à institutionnaliser et à mettre en place un arsenal répressif, dans un livre d'analyse sur le Code noir paru en 1987. Louis Salamoulin estime que celui-ci est le texte juridique le plus monstrueux qu'ait produit les temps modernes. Hein? Code noir ou Édit du roi, servant de règlement donc pour le gouvernement et l'administration de la justice et la police des îles françaises et de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans leur pays. Ça, je lis vraiment la couverture, là, il est écrit ça. Et c'est écrit en vieux français parce que donné à Versailles, mais c'est Versailles au mois de mars 1685. Hein? L'édit du mois d'Aou, je vous le lis en vieux français, 1685, portant l'établissement d'un conseil souverain de 4 sièges royaux dans les codes de l'île de Saint-Domingue. Eh bien oui, hein? C'est une autre époque. Maintenant, le code pénal illustré par Siné en 1959. Ce code pénal revu et corrigé est le troisième ouvrage publié par Siné, un dessinateur. 2 ans avant de se faire virer de l'Express en raison de ses prises de position, il attaque dans ce livre l'institution pénale, illustrant donc de façon mordant comment le système pénal était, autant les punitions et tout. Comme celle de la couverture qui montre un bagnard traînant sa propre tête en guise de boulet, appartenant à une époque où l'on pouvait rire, être bête et être méchant, selon le précepte d'Harakiri. Siné lança à l'époque son propre journal, le Siné Massacre. On achève, les amis. On est rendu au dernier livre. C'est le livre des darons sacrés ou la Bible en argot. En jugé par cet excellent titre, le livre des darons sacrés, cette Bible en argot de Pierre Dévaux, préfacée par Jean Cocteau, lui-même de l'Académie française, vaut le détour. Exemple de retranscription. Au commencement, notre vénéré daron goupilla la terre et les cieux. S'agissait-il vraiment de convertir à la Bible une certaine catégorie de la population qu'on espérait pouvoir atteindre en utilisant les mêmes codes de langage qu'eux ou simplement s'amuser? On le sait pas. Mais bon, allez voir ce diaporama et je vous conseille justement le site fluctua.net qui est toujours très, très divertissant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Tant mieux que tu aies choisi la chronique, c'est un fait, parce que c'est vraiment une très bonne chronique que j'ai de préparer pour toi. Oh. Tu vas l'aimer. Okay. Tu vas l'aimer. On va commencer avec un fait très, très pas correct. Pas correct. Je dirais que j'approuve pas du tout les actions, mais je vous en parle parce que j'aimerais ça qu'il se passe quelque chose pour que ça arrête. C'est en Chine. C'est un des faits les plus cruels qu'on mentionne jusqu'à maintenant. Des vendeurs en Chine, sur le trottoir des vendeurs de rue, là, ont commencé à vendre des animaux à l'intérieur d'emballages de plastique. C'est des accessoires de porte-clés, OK? C'est un sac de plastique et à l'intérieur, t'as un animal dedans. Okay. Tu as soit une petite tortue du Brésil. T'es pas sérieux, vivant? Oui, oui, vivant. Ou encore un kingfish, une sorte de poisson. Donc, ils sont à l'intérieur d'une poche de plastique avec de l'eau colorée. Et un vendeur dit là-bas en Chine qu'il pourrait survivre plusieurs mois, ces animaux-là, parce que l'eau contient des éléments nutritifs. Non, mais... Hey! Non, c'est pas écœuré. Franchement! De toute façon, l'animal n'a pas de place où bouger, il n'y a pas de lumière parce qu'il va sûrement être dans ta poche, okay, dans ta sacoche. Il y a une photo. C'est ridicule. Je la vois, là. Incroyable. Ça m'offusque. Non, mais... Puis, faut-tu être maillé pour acheter ça? Complètement. T'sais? Complètement. Parce que la personne qui est la pire, c'est pas nécessairement la personne qui le vend, c'est la personne qui l'achète. Non, c'est parce que ça encourage ça, voyons. C'est ça, exactement, mais non. Hey! En tout cas. Ici, ça passerait pas, ça. Jamais, jamais. C'est comme. Ça, c'était un mythe, par exemple. Ça avait été clarifié par, je crois, Snopes.com. L'histoire du chat dans un bocal. Je sais pas si tu te rappelais dans quelques années. C'est des chats dans des bocaux, puis qui prenaient la forme du bocal. Quelque chose de genre. Ouais, j'avais vu ça. Mais c'était un mythe, c'était faux. Ah ouais, ça, ok. C'est bah, tant mieux. Tant mieux. Mais ça, à ce qui paraît que tant c'est vrai, mieux. Les animaux dans une poche. Petite poche de plastique, le genre à peine plus grande que l'animal, c'est dégueulasse. Parlons de quelque chose de petit peu plus joyeux. En fait, pas tant plus joyeux que ça. Une coche en haut, par exemple. Kesha, tu connais la chanteuse Kesha avec un signe de dollar, là? Ben, je connais. C'est qui? Ben, de nom, là. En fait, je pourrais même pas te dire ce qu'elle chante, là. Mais... Eh bien, Kesha a ajouté le signe de dollar dans son nom parce qu'elle était pauvre. Ah ouais, et elle voulait de l'argent? Mais c'était comme de l'ironie un peu. Mais oui, j'imagine qu'elle voulait de l'argent. Plusieurs artistes, surtout dans l'hip-hop, choisissent des noms avec de l'argent. Bling-bling! Du bling-bling, comme Chameleonaire ou des trucs comme ça. Mais Kesha voulait avoir l'air intelligente en étant ironique. On se rappelle, il y a quelques temps dans la chronique, c'est un fait, j'avais parlé du fait qu'il y avait la chanson de Flo Rida, Right Round, avec un featuring de Kesha dessus, qui Kesha chantait sur cette chanson-là, mais n'avait jamais été crédité ou payé pour cette chanson-là. Donc à ce moment-là, elle était encore super pauvre. Et donc l'artiste, qui s'appelait avant Kesha sans le signe de dollar, magasinait dans des magasins à 1$ pour acheter des légumes en canne, dit-elle. Malgré le fait qu'elle était sur un single numéro 1 à ce moment-là. Voilà, donc c'est pour ça, le signe de dollar. Tu connais les croustilles Pringles? Oui. Pringles, quand tu commences, tu peux pas arrêter. C'est ça. Chacune des chips, celles qui sont évidemment pas cassées à l'intérieur de la boîte que vous achetez, c'est tout le temps la même forme, mais ça a un nom, cette affaire-là. C'est une paraboloïde hyperbolique. Voilà. Et c'est une surface en mathématiques. Donc, il y a une formulation pour tout ça. Si vous prenez un Pringle, vous allez la remarquer tout de suite. C'est Z égale X avec un petit triangle par en haut, 2, barre oblique vers l'avant, A, petit triangle, 2, Y, et puis ça continue bien longtemps. C'est vrai, depuis que tu en parles, là, c'est vrai que ça ressemble ça à ça. Ça paraît, hein, tu le vois là, tout de suite. Il fallait juste le savoir. Là, maintenant, tu le sais. Là. C'est ça. J'en regarderai plus jamais mes Pringles. Mais formule mathématique paraboloïde hyperbolique. Continuons avec George Lucas et Steven Spielberg. On en parle souvent dans la chronique, c'est un fait, j'ai l'impression. Ils sont responsables pour 7 des 10 films qui ont ramassé le plus d'argent dans les années 1980. Non seulement ça, mais ils sont aussi responsables pour 4 des 5 films de la décennie. Les 7 films sont E.T., donc The Extraterrestrial, Star Wars épisode 5 et 6 et la trilogie des Indiana Jones. Spielberg a aussi produit Back to the Future, Retour vers le futur. Lucas a commencé la décennie avec The Empire Strikes Back en 1980, donc sur sa première suite de Star Wars. Ensuite, il a collaboré avec Spielberg sur un nouveau projet Raiders of the Lost Ark, qu'on appelle maintenant Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, mais au début, il n'y avait pas le nom de Indiana Jones. Ça, c'était en 1981. Donc, c'est sorti l'année d'après. Spielberg a ensuite réalisé ce qui serait le film qui a eu le plus de succès monétairement de la décennie au grand complet, E.T., The Extraterrestrial, en 1982. Pendant que Lucas complétait la trilogie Star Wars avec la sortie de Return of the Jedi en 1983. L'année suivante, la paire s'était rassemblée encore une fois pour la comment on appelle ça en français? Une pré-suite? La pruite. Moi, j'appelle ça la pruite. C'est comme une pré-suite. Là, ça se passe avant... Tu vas-tu utiliser ce mot-là, j'imagine? Non. Non. Okay. Donc, j'ai essayé, non. La truite Indiana Jones and the Temple of Doom en 1984, avant que Spielberg s'inscrive en tant que producteur exécutif de Back to the Future en 1985. Ça a terminé leur succès pour plusieurs années. Lucas a produit quelques émissions de télé oubliables facilement. Et Spielberg a réalisé une paire de films un petit peu moins lucratifs. La Lune de miel n'était pas terminée, par contre. Le duo dynamique s'est réuni, encore une fois, pour un dernier film en 1989, Indiana Jones and the Last Crusade. Ça, je sais pas si c'était une suite ou une pruite, là. De toute façon, il peut en faire des films qui rapportent moins, dans le sens où... Ben oui, mais c'est ça. Quand t'as le pouvoir d'Hollywood, tu peux sûrement faire des films un petit peu moins. Il doit être assez à l'aise financièrement. Je crois bien que oui. Fais le test, François, si tu vas sur Google et tu tapes récursion. R-E-C-U-R-S-I-O-M. Ben oui, mais t'es là, tu me casses mes punches complètement, c'est ça? Non, mais j'ai rien dit. OK. Tu m'as dit fais le test. Qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, il n'y a rien pour tout. En français, il y a sûrement rien qui se passe. Peut-être que sur Google.com. C'est ce qui est bizarre d'ailleurs, si tu vas sur Google.com, si tu tombes sur Google Canada en français, il faut que tu ailles en bas de la page. Il y a un petit bouton Google.com in English. Tu cliques dessus, quelque chose du genre, puis là, tu vas revenir à la vraie page de Google telle qu'elle devrait être. Bref, si vous tapez le mot récursion sur Google, ça va vous demander est-ce que vous vouliez dire récursion. Hein? Parce que ces deux mots-là sont identiques, hein? Il n'y a aucune erreur d'épellation, mais c'est une blague de la part de Google parce que le mot récursion, c'est un terme mathématique qui veut dire l'application d'une fonction à sa propre valeur pour générer une séquence de valeurs infinies. Donc, si tu cliques sur la récursion, sur le mot récursion, ça veut dire que tu reviens tout le temps à récursion, tu reviens tout le temps à récursion, tu reviens tout le temps à récursion. C'est comme un slush poppy avec un verre de slush poppy. Tu sais la chanson des abdigalationnistes, ça? Non, c'est qui fait ça, cette chanson-là? Je me trompe. Plastic Light. En tout cas, bref. Bon, donc récursion sur Google, ça crée une boucle infinie de recherche. C'est un peu comme quand tu mets deux miroirs côte à côte. C'est un miroir qui regarderait dans un miroir, là. Ça ferait une réflexion infinie, tu vois, genre. Est-ce que t'as déjà essayé? Je le fais à tout le matin. Bon. C'est pas ça, toi? T'es drôle, toi. Non, mais ma blonde, par exemple, quand ça se coiffe, Fifi, ça a besoin comme de 3-4 caméras. Point de vue. 3-4 points de vue, l'angle Blu-ray. Quand tu tapes récursion sur Google.com, il ouais. n'y a rien qui se passe. Sur Google.com? Ouais. Même Google.com, quand tu cliques en bas de la page. Hein. Bref, je te montre. Ouais, non, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Non, il n'y a rien qui se passe. C'est pas Internet parce que... Ils l'ont peut-être enlevé. Je tape d'autres choses, mais tu l'essaieras, moi. OK, ben, on va aller voir ça. Savais-tu que les premières lettres de chacun des personnages principaux dans le film Inception, c'est genre origine en français, c'est le film avec le rêve et tout, en tout cas, bref. On peut arranger ces premières lettres de chaque personnage-là pour faire le mot dreams. Et c'est sûr que c'est pas un accident, là. Les noms sont Dom, Robert, Eames, Arthur, Mallory et Saito. Donc ça fait dreams. Saito. Je vais avoir trouvé ces noms-là. Shakira? Hein? Non? Une chance qui est là. OK, j'ai entendu Shakira. Non. Shakira. C'est aussi ça commence par ES, t'as raison. Les gens lisent 10% plus lentement sur un écran que sur du papier. Là, je pense qu'on n'est pas très surpris là-dessus. Non, c'est logique. C'est logique. Une étude récemment a montré que les lecteurs lisaient 6,2% plus lentement sur un livre électronique que sur un livre imprimé. La différence monte à 10,7% quand on parle du Kindle en particulier, donc le Kindle d'Amazon. Par contre, les gens de la même étude ont coté leur expérience en lisant des livres et en lisant des iPads. Ils disent que lire un livre sur un iPad est une meilleure expérience que sur le Kindle. Et les deux, Kindle et iPad, sont une meilleure expérience pour le lecteur qu'un livre imprimé, selon l'étude. Donc, c'est des gens qui ont été ramassés d'un peu partout. Ils trouvent que lire sur un écran, ça lit mieux pour eux. Mais moi, sincèrement, je sais pas. L'as-tu essayé? Non. Ben, c'est ça. Des fois, c'est difficile de juger sans avoir... Non, mais je vois pas l'utilité de... Ben, c'est que t'as tous les livres de la vie dans un seul. Mais c'est pas comme un lecteur MP3 où une chanson, tu l'écoutes, tu passes à un autre, un livre, je m'excuse, mais c'est quand même long à lire. C'est long, c'est ça, mais tu peux basculer d'un un à l'autre, au pire, si tu veux vraiment faire ça. Mais c'est rare que t'entendes deux livres en même temps. J'avoue, tout à fait. En tout cas, c'est clair, mais tu sais, c'est tant qu'à ma copine, justement, qui travaille quand elle travaille au loin, non, elle n'a pas un livre électronique, elle amène des livres, elle amène des grosses briques dans sa sacoche. C'est super lourd, c'est super encombrant, tu brises le livre, vraiment, parce qu'il est tout ratatiné et tout. Ouais. C'est je sais pas. Peut-être. J'aimerais bien, si j'étais un grand lecteur, là, j'aimerais vraiment ça. Peut-être plus un, je sais pas si un iPad, je trouve ça peut-être gros pour un livre. Ouais, c'est gros pour un livre. Un Kindle, c'est juste noir et blanc. Mais peut-être que la sensation de ta tête, peut-être que tu as moins mal à la tête en lisant. C'est parce que c'est de l'encre électronique dans le Kindle, donc c'est vraiment fait pour être lu. Donc ça se lit beaucoup mieux qu'un iPad qui est comme un écran d'ordinateur. Justement, c'est ça. T'as pas de reflet non plus. T'as pas de reflet. Au soleil, c'est beaucoup mieux. Leur campagne publicitaire est basée là-dessus. Donc j'irais plus moi avec le Kindle. Mais non, on disait que le Kindle et l'iPad étaient mieux cotés que les livres côté expérience. Mais par contre, le iBook, le Kindle et l'imprimé ensemble ont été mieux cotés que lire sur un écran d'ordinateur en tant que tel. Et ça, je pense que c'est pas une surprise pour personne non plus. J'imagine que ça prend beaucoup plus de temps à lire sur un ordinateur aussi parce qu'il faut tout le temps scroller. Alors que sur un Kindle, next, tac, ça change de page. Ouais. Sur iPad, peut-être qu'il faut comme fouing avec ton doigt. Ouais. C'est moins long quand même. On va y aller avec une dernière longue. Après ça, ce sera des plus courtes. Là, on va se dépêcher un peu. Une femme de 74 ans en Idaho s'est fait attraper en fait parce qu'elle vandalisait des livres de bibliothèque en versant des condiments dans la fente de chute de livres. Tu sais, comme dans les clubs vidéo, t'as une fente de chute, là, des fois dans la bibliothèque, t'as ça aussi. Wow. Donc, la police de Boise, en Idaho, a passé plus d'un an à chercher qui versait différentes sauces sur une centaine de livres de bibliothèque. Ils ont enfin réussi à attraper la coupable en mai 2010, et c'était une des personnes les plus insoupçonnables, une vieille personne de 74 ans, Joy L. Cassidy. Hein, les officiers l'ont attrapée en cherchant devant la bâtisse, donc ils attendaient qu'elle se pointe là, et elle a versé à ce moment-là un pot de mayonnaise au complet dans la fente de courrier. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, elle a donné un motif. On sait pas c'est quoi parce que la police a pas voulu le dire. Je sais pas si c'est pourquoi qu'elle voulait pas le dire, mais en tout cas, elle disait qu'elle avait un motif. Mais bon. C'est la destruction de propriété. Mon Dieu. Des condiments, toi. Hey, à 74 ans aussi. Ouais, signé un peu peut-être. Là. À un moment donné, faut en laisser passer, mais des livres, ça coûte cher. Il y a une centaine de livres avec du condiment dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et bref. Quelques faits rapides, d'accord. Qui a passé la première bannière sur Internet? La première bannière d'un site web, c'était AT&T. C'est ce qu'on dit. Oh. La bannière disait, est-ce que tu as déjà cliqué avec ta souris sur ça, ici? Est-ce que tu as déjà cliqué ici avec ta souris? Ben, vous allez le faire. Ça disait ça, ben, vous allez le faire. Fait que là, les gens allaient cliquer dessus, puis ça ouvrait le peu. Bon. Oui. Tu connais Mel Blanc, celui qui faisait les voix de plein de personnages de dessins animés, dont je crois Bugs Bunny, en anglais. Okay. Son épitaphe, sa phrase sur sa pierre tombale, c'est « That's all, folks ». Parce que c'est lui qui faisait le personnage de c'est quoi, Porky Pig, qui disait « That's all, folks ». M&M, les bonbons M&M, ça veut dire « Mars and Murray's ». Ah. Eh bien, Mars comme les barres Mars. Kool-Aid. Kool-Aid s'appelait à l'origine « Fruit Smack ». Oh. « Fruit Smack ». Des fruits dans ta face. Comme s'il y avait des fruits là-dedans, mais bon. Comme s'il y avait des fruits là-dedans. Ouais, je suis bon, t'as raison. T'as tout à fait raison. Le chocolat au lait. Chocolat au lait, ça contient une fois et demie plus de caféine que du Coca-Cola. Ah ouais? Pour la même quantité? Ah ben ça le dit pas, mais j'imagine que oui, ça doit être la même quantité. Donc le lait au chocolat, une fois et demie plus de caféine que Coca-Cola. Mettons un verre. Ah, ça se compte bien parce que ça, c'est des millilitres dans le fond. C'est une quantité liquide, c'est plus facile à compter. Ça avait été, mettons, du chocolat. Non, c'est ça. Ça dit du chocolat au lait. Moi, quand j'avais lu la phrase tantôt, j'avais lu milk chocolat comme dans du chocolat au lait. C'est du lait au chocolat. Chocolate milk, tu vois, je l'avais quand même versé. Milk chocolate, c'est du chocolat au lait. C'est ça, c'est du chocolat au lait. Ben oui, ça marche pas. T'as raison, c'est pas du liquide, ça. Milk chocolate. Non, mais là, attends un peu. Là. Milk chocolate, ça, c'est du chocolat. Lait au chocolat. Ben, je pense pas, parce qu'il me semble que c'est... Ah, attends un peu. Chocolate milk. Je me suis mêlé moi-même. J'aurais pas être mêlé de même pour ça, moi. Milk chocolate. Chocolat au lait. Du chocolat au lait. Alors que sinon, chocolate milk, ce serait du lait au chocolat. OK. Bon. Ah, d'accord. Et le dernier... Ils font bien ça compliqué, ça. Ben, c'est les Américains. Je veux choisir. Dernier fait, François, on va terminer là-dessus. Tu connais la chanson « You're a mean one, Mr. Grinch ». You're a mean one, Mr. Grinch. Tu sais, le grincheux... Ils ont fait des films avec ça. Ouais. C'était chanté par Thurl Ravenscroft. Oh boy. Tu connais Thurl Ravenscroft. Il était aussi la voix... De Tony le Tigre. De Tony le Tigre. Colin, tu me... Je l'ai déjà fait ou tu l'as juste lu? Hein? Tu l'as déjà fait? J'ai déjà fait. Tu l'as fait hier? J'ai fait hier. Ouais? Pas fait ça hier. Là, tu me niaises. Ah! T'es vraiment pas un fin garçon. Hey! Mais t'aurais dû mettre Tony le Tigre à la place. J'aurais dû mettre Tony le Tigre. Je sais pas si ça se trouve, hein. Eh hey boy. Qui ne connaît pas Tony le Tigre? Oh, oh. Ah, c'est oh, vrai, j'ai changé de page. Attends, Tony le Tigre, non, je sais pas. Ah, écoute ça. Hey, I bet I can make a rap. Non, je pensais que ça serait une pub. Ah, je l'ai pas. Great. Ah, ça donne rien. Huh? Let me know when you're ready. Go Tony. On va l'entendre. Sur ma rap. Bring out the tiger in you. Away. There you go. Non, le punch! Super! On l'a entendu! On l'a entendu! On peut pas dire qu'on l'a pas entendu! Non! Si on dit qu'on l'avait pas entendu, on mentrait! Oui! Parce que ce serait pas vrai! On l'a entendu! On l'a entendu! Bon, mais on va retourner en musique, ça! C'est tout pour cet effet, je pense! Cool! C'est assez, je trouve, non? Ouais, ouais! Des bons faits ce matin! Ben, c'est ça! Ben oui! Est-ce que j'avais vraiment déjà fait? J'ai sûrement déjà fait! Je pense qu'il y en avait deux ou trois que j'avais déjà fait! Tu l'as fait? C'est ça, je savais! Hier! Hier! C'est même pas vrai! Ah! Non, pour vrai, tu l'avais pas fait. Ben, mais en tout cas, moi, je l'avais pas. Si tu l'as fait, je t'écoutais pas. Ben, ça arrive aussi. Puis, non, mais sincèrement, Tony Tigre, ça me tient quand même à cœur. Okay. j'en mange relativement souvent. Contrairement au Tigre de SO, dans le temps, qui était pareil. C'est vrai. Et puis, souvent, en fait, quand j'étais jeune, je mélangeais Sam le Touquet. Je sais que ça n'a aucun rapport. Non, non, mais c'est parce que c'était mes deux sortes de céréales préférées. Ah, vous ne savez pas lequel avec quelle céréale, mettons. T'sais. Non, mais là, dorénavant, j'aime beaucoup les Cheerios. Ah oui, bon, les Cheerios nature, là, avec un bol en cœur. Ouais. C'est The General Mills, la meilleure compagnie de céréales. Toi. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. L'horoscope avec Monsieur Rémy. Ah. Bon midi tout le monde, comment ça va à la maison? Ben, moi ici ça va bien en tout cas. Parfait. J'écoute les gens à la maison. Attends, je vais baisser le son pour qu'on les entende. OK, ça a l'air pas si pire. C'est génial, tant mieux, c'est des bonnes nouvelles, vous profitez du beau temps. Exact. Écoutez tout le monde, je suis à mon habitude le mardi midi avec vous l'instant, une petite chronique sur l'horoscope. Évidemment, l'horoscope dans son grand angle, donc on ne parle pas que de l'horoscope et de l'astrologie traditionnelle. Tous les arts divinatoires. Hein? Mais on essaie d'aller chercher tous les arts divinatoires. On a parlé de beaucoup de choses et selon les comebacks que j'en ai eu, et je sais que Danny Janvier lui-même aussi en a eu quelques-uns, le tarot de Marseille de la semaine dernière a vraiment fait fureur. Les gens avaient compris un peu mieux comment on pouvait prédire l'avenir grâce à des choses. Et c'est facile, c'est un jeu de cartes, comme je l'expliquais la semaine dernière, un jeu de cartes qu'on brasse simplement. Ce sont des cartes qui viennent de Marseille, hein, comme ça le dit, oui. Le tarot de Marseille. Mais moi, Rémi, je me posais la question, étant donné en plus que c'est à peu près dans les dernières chroniques là, pour la session, parce qu'on prend relâche cet été, tu nous as pas amené de poule pour lire à travers les entrailles ou quelque chose. Moi, je pensais, j'attendais la bête là, qui se ferait ouvrir. Non, mais comme ça. Tu me l'as dit, Danny, c'est... presque la dernière. Ah, OK. Donc, alors, possible que tu nous amènes un écureuil ou quelque chose. Écoute, je voudrais pas voler de punch tout de suite, mais je vais te prédire l'avenir. Peut-être que tu vas pouvoir comprendre un peu mieux qu'est-ce que je voulais en venir. Et écoutez, à mon habitude, j'aime bien parler de sujets qui me touchent. Et entre autres, une des choses qui me touche beaucoup, moi, c'est la vie étudiante, évidemment, comme je ne suis pas étudiant. Ben oui, c'est normal. J'ai pitié pour eux. Et ayant pitié pour eux, les pauvres étudiants, je me suis dit qu'on pouvait essayer de comprendre un peu mieux comment leur fin de session irait. Alors, je me suis posé beaucoup de questions à l'intérieur de moi-même. J'ai pris le temps de prendre de grands respires, de m'asseoir en indien sur le sol, dans un tapis, à l'intérieur d'ici même du studio de C'est fou. Et j'ai finalement retrouvé dans le paquet de cartes qui est sorti naturellement dans mes mains, le 7 de bâton. Superbe. Alors évidemment, le nombre 7, en partant dans la tradition, le 7 symbolise la réalisation, la création, la beauté et la perfection. Et là, on parle de fin de session pour les étudiants de l'UQTR. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour ces milliers d'étudiants qui sont ici même à l'université en plein rush de fin de session. Oui, on met la broue dans le toupette, là. La broue dans le toupette, eh bien, on parle de réalisation, de création, de beauté et de perfection. Alors, il y a beaucoup de bonnes choses dans l'air, finalement, ben, à l'UQTR. Et j'aime bien le chiffre 7, moi-même. C'est un chiffre chanceux, souvent, là, quand même dans les machines. Lucky 7. Hein? Lucky 7, la slot machine 3-7. Le 7 de bâton est une lame de réussite dans vos projets, d'aboutissement favorable de tout ce que vous avez entrepris. La créativité, les découvertes scientifiques, les initiatives spirituelles sont particulièrement favorisées. C'est le moment de poser des actes en ayant confiance dans le résultat. C'est le moment de vous engager dans des projets novateurs, voire révolutionnaires. Le 7 de bâton est une lame de réalisation et de succès. Wow. Alors, chers étudiants, vous êtes entre bonnes mains avec le 7 de bâton qui est sorti ici même aujourd'hui dans les mains de M. Rémy. Au complet hasard, là. Réellement, c'est un hasard, là. Danny pourrait en témoigner. Oh oui. Mais vous le croiriez pas, de toute façon. Mais c'est la vérité. De toute façon, je suis pas fiable. Non, c'est pas vrai. Et évidemment, comme j'ai pensé aux étudiants, je sais aussi que, curieusement, on n'y pense pas souvent, mais il y a les professeurs de l'UQTR qui sont souvent ici même à l'université, qui travaillent fort, et le personnel enseignant et tout le reste du personnel administratif aussi de l'université, qui à l'occasion écoute C'est fou 89.1 FM. On le souhaite. Ben, écoute, je sais très bien, Danny Janvier, que plusieurs de tes grands fans qui sont des quinquagénaires uctériens et je ne parle pas de l'université du troisième âge. Ah, OK. Alors, ici même, j'ai pour vous, cher personnel administratif, personnel de soutien, oui, personnel exact. Enseignant de l'UQTR, j'ai sorti une carte aussi. Et cette carte, pour la fin de votre session, et peut-être même pour le début de votre prochaine session d'été, si vous en avez une, c'est la carte de l'amoureux. Ah? La carte de l'amoureux est représentée par simplement... Et c'est un arcane qui est assez complexe parce qu'on a un genre de Cupidon avec un soleil bleu, rouge et jaune qui l'entoure. Le Cupidon est dans le ciel et qui couvre trois personnes. En plein centre, on a un amoureux qui est mal habillé. On a un espèce de genre de roi-prêtre lui aussi mal habillé. Et finalement, à sa droite, en fait, à sa gauche, à ma droite pour moi, de cet amoureux, on a une jolie blonde trop habillée, à mon avis. Trop habillée, exact. Alors, évidemment, cette carte... Et qui a rien à faire avec les deux autres, là. Ben, on pense qu'ils sont amoureux, mais c'est pas clair. Mais il y a un genre de Cupidon au-dessus. Écoutez, les cartes du tarot de Marseille sont souvent des cartes qui ont une image qui vous laisse perplexe, mais la signification en est beaucoup plus intéressante. Alors, chers professeurs et personnels étudiants, voici l'énergie de la prise de décision. Représentée par le nombre 6, l'amoureux est un arcane complexe. Le nombre 6 est le principe de la dualité, du choix, des paradoxes, des oppositions. L'arcane 6 de l'amoureux aura donc deux significations divinatoires différentes. Il faudra faire un choix. Et ce choix est fait en présence d'Eros, qui envoie sa flèche. Ah, donc, c'était pas Cupidon. C'est mieux. Encore. À vous de savoir quelle est la cible de cette flèche. Oh, c'est louche. Mais même, il vient plein d'images. Ben, il nous vient plein d'images. Moi, je pense rapidement, comme à la correction des examens de fin de session pour les enseignants, ils devront faire un choix, donc trouver une note, évidemment. Et c'est à eux de décider la flèche d'Eros, où elle ira. Donc, quel sera l'étudiant qui va devoir recommencer sa session ou celui qui va se mériter une bourse d'excellence, par exemple. Exactement. Je le vois comme ça, mais peut-être aussi que vous avez d'autres choix personnels à faire, savoir si vous allez rénover le sous-sol avant de rénover la chambre à coucher ou sortir le barbecue avant de remplir la piscine. Ou laver l'asphalte ou faire la pelouse. Écoutez, ce sont tous des choix que l'on peut faire. Et ceci, c'est pas pour médire du personnel de l'UQTR, mais bien simplement de penser à tout le monde un peu. La divination, donc c'est l'interprétation qui est principale qu'on pourrait en faire de cette carte, l'amoureux, pour vous. Les deux possibilités d'interprétation de l'amoureux dépendent de la question. Pour toute question concernant l'amour, l'amoureux indique qu'une personne est réellement amoureuse et que son amour est sincère. Cet arcane se retrouve avec deux autres figures semblables, bon là ça vient compliqué. Oui. Dans un tirage général, l'amoureux se sera interprété comme une carte de choix à faire. Parfois ce choix peut être difficile, alors évidemment comme la pelouse, l'asphalte. C'est ce que je me disais, mais comme tu dis, comme l'amoureux c'est représenté par le 6 et le 6 est une dualité, donc c'est pour ça que l'amour est si compliqué. Ben, en fait, faut toujours faire un choix en amour, donc faut savoir si on est amoureux ou pas, faut savoir si on veut continuer ou pas, faut savoir exact, si on veut s'engager ou pas. L'amour c'est pas tout, faut se donner un peu, hein. Ben il y a un don de soi dans l'amour, là, oui, c'est un échange. Faut accepter. Non, pas juste un échange de fluide, mais aussi non, un non. Échange de personnalité, de un sentiment. Échange de sentiments, un échange de temps, un échange parfois même d'investissement financier. Même monétaire, importe, mais oui, avec le temps, ça devient une partenaire, un partenaire. L'écrivain André Gide, qu'on connaît tous très bien, ben oui. Fit cette remarque très juste. Choisir, c'est renoncer. C'est vrai. Alors voilà, Danny, en fait... Très profond, c'est, hein? C'est là, au moins, où je suis d'accord avec lui. André Gide, qui est un de mes auteurs favoris depuis maintenant 30 secondes. Tu viens de me voler la phrase. Depuis maintenant au moins 30 secondes. Écoute, on est connecté par les liens sacrés de l'horoscope. Oui. La personne qui se trouve confrontée à un choix devra effectuer ce choix sans précipitation, sans impulsivité. L'amoureux recommande de prendre des décisions mûrement réfléchies. Mais en présence d'Eros, c'est-à-dire symboliquement d'un dieu de l'Olympe, on peut compter sur l'énergie de l'univers pour renforcer l'intuition du consultant et lui inspirer le bon choix. Ben oui, pour nous aider. Alors, cher personnel ukutérien, on vous souhaite de faire le bon choix, puis on vous encourage avec Eros, ce dieu de l'Olympe, à prendre des bonnes décisions pour aider les étudiants à finir leur session en beauté sous ce beau soleil qui devient de plus en plus présent. Et parlant de soleil, c'est fou. Le dîner de cons ne feront plus bon ménage pour une partie de l'été. Mais non, on se sépare. Vous vous séparez pour une partie de l'été, donc le dîner de cons. Mais pour mieux revenir ensemble, c'est comme un break. Là, tu dis, on revient à l'automne, on sort. Mais pas tu sais, Danny, choisir, c'est renoncer, comme le dit Gilles Carl. C'est-tu Gilles Carl? Non. Mais André Gide. Mais c'est totalement profond quand même de cette phrase. Oui, choisir c'est renoncer, j'aime beaucoup ça. Moi aussi. Alors, la semaine prochaine, je vous amène une poule, un œuf ou simplement l'enveloppe pour l'éventrer. Ouais, l'enveloppe. Ici même, en nom de C'est fou. Alors, merci beaucoup, c'était l'horoscope avec Rémi. Merci, monsieur Rémi. Waouh, tout un horoscope. Maintenant, je sais un peu plus où on s'en va, je sais un peu plus où les étudiants s'en vont, où notre personnel de soutien s'en vont. Ça met un peu de clarté dans ma journée, mais même malgré un beau soleil, des fois, on est dans l'obscur quand même, on est dans un tunnel et on se pose des questions. Merci Rémi. On va aller maintenant en musique avec une grande dame de la musique et de la chanson, que c'est sa fête aujourd'hui. C'est Lisa Gerrard de Dead Can Dance. Tu connais Dead Can Dance? Je ne connais pas beaucoup Dead Can Dance, mais bonne fête à elle tout de même. Je lui en souhaite une très belle. C'est une bonne madame. Une grande dame. On va aller l'écouter tout de suite. On y va et on en profite. Restez là, cher auditeur. Très mystérieux. Vous allez voir, ça fit très bien avec monsieur Rémi. Oh, Lord, in my Cowards Within de la formation Dead Can Dance en l'honneur de la fête de Lisa Gerrard, cette grande dame, bien sûr, de la musique. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Allô? Le Q oui, est allô? Parfait, l'endroit où tu t'embarques. Bon, Maxime Lemieux-Aramé, qu'on accueille régulièrement, chaque semaine, c'est très, très régulier, tous les mercredis matin à 8h. Avant, c'était le mardi. Oui, c'est ça. Mais le coach. Là, t'es rendu régulièrement. Le mercredi, t'es un gars régulier, on peut le dire. Ouais, j'étais à mon affaire. Régulier, c'est bon. Ouais, Mathieu. Le coach. Oui, le coach. Bon, salut les athlètes. Vous avez de l'air en forme ce matin. Ouais, correct. J'ai fait l'émission... J'écoutais l'émission tantôt en m'en venant, puis j'essaie de compter le nombre de choses pertinentes que vous avez dit. Non, mais c'est intéressant d'en parler de... Vous savez que j'aime ça, moi, parler de déjeuner. Mm-hmm. Puis c'est vrai. De sortes de céréales. C'est ouais. vrai, à chaque semaine, Maxime Lemieux, Laramie, nous demande si ouais, on a déjeuné. C'est un ouais. running gag, une blague à la course. Ouais. Ben, en fait, c'est que j'essaie tout le temps de trouver des nouvelles choses à manger le matin. OK. Fait que je me dis peut-être que quelqu'un un jour va arriver et va dire... Du gruau, non? Ouais, ah, du gruau. C'est pas bon, j'aime pas ça, moi, ben, du gruau. Non, mais au moins, ça fait changement, tu sais. Oh, ouais. Mais il y a des sortes quand même pas peu. Aussi, ouais. à plein d'affaires. Hein. Ouais, c'est quoi? C'est pomme et cannelle. Il y a pêche et crème qui est bon. Hein. Pêche et crème, c'est tu bon, vois? Bon, je vais peut-être aller m'acheter du gruau pour demain matin. Ouais. Donc, c'est ça, je voulais parler de trois artistes aujourd'hui. J'ai fait des légères recherches. C'est vraiment des artistes que j'ai découvert là, ben, des pièces que j'ai découvertes au courant de la semaine. Donc, okay. C'est récent. C'est de l'actualité. Oui, c'est vraiment frais. Oui, c'est frais. Frais. Donc, pour commencer, je voulais parler de Black Lips, un groupe punk rock. Ouais, c'est rock qu'on en fait jouer, hein, du punk. On est rendu dans l'indie rock, puis ouais. Pop rock. Mais là, vraiment, un peu qu'est-ce que j'écoutais, là... Punk rock, pas au secondaire. Pas du style Rise Against ou... Hey, je connais pas assez le punk rock, mais check. Tantôt, là, je ferai jouer la pièce, puis tu me diras ce que t'en penses. Okay. Parce que toi, tu connais en punk rock. Ben, j'en ai écouté beaucoup. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'en ai écouté, mais au secondaire. Ouais. Non, j'aime ça, ta chronique, contrairement à d'autres endroits où on partage nos découvertes. Ici, on va vraiment faire jouer la pièce au complet, ouais. à la radio. C'est quelque chose, quand même. C'est fou, c'est t'en incroyable. T'en as trois, en plus. C'est là. Incroyable. Donc... Ouais. C'est ça, Black Lips va sortir son 6e album le 7 juin prochain. Mm-hmm. L'album s'appelle Arabia Mountain. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Montagne d'Arabie, je sais pas. Ah, ouais, Arabie, hein, c'est ça. Donc, c'est un groupe d'Atlanta. Puis moi, j'ai toujours de la difficulté à traduire les États américains en français. Comme, mettons, Atlanta, tu voulais dire quoi? Que... Ben, c'est en Géorgie. En Géorgie. Géorgie, en tout cas, je sais pas. Puis Atlanta, c'est Atlante, peut-être, on sait Atlante. Pas. Atlante, ouais, ça va être ça. C'est ça, la pièce qu'on va aller écouter, c'est... je me rappelle même plus, Mathieu. Modern Art. Ouais, ouais. Modern Art. C'est ça, l'album n'est pas sorti, mais c'est déjà leur deuxième single. Simple. Puis c'est la première pièce avec un vidéoclip. Le vidéoclip est quand même cool. Oui. Puis c'est ça qu'on va faire jouer, en fait, le vidéoclip. Bon, fait que sortez votre radio avec un écran, qui est dans le garde-robe depuis que la technologie a été... Sortez votre iPad. C'est ça. C'est ça, non? Ah, OK. Non, ouais, on écoute Black Lips. Je pensais que t'avais d'autres blagues à faire. Non. On écoute Black Lips tout de suite. Keyhole at the dolly. Yeah. C'était Black Lips avec un Modern Art. Super! Ouais, vraiment cool. J'aimais ça, ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus ou moins punk rock, là. Mais... Ouais, plus ou moins. Je sais pas. Le vidéoclip est vraiment génial. Ça fait comme les premiers vidéoclips qui ont jamais été faits, là, avec un écran vert, mais très très mal fait, où tu vois le contour vert des personnes. C'est super rétro, j'adore ça. Ouais. Cool! Cool. Prochain choix. Ouais, c'est ça. Deuxième choix. Je voulais parler de Morning Benders, qui est un groupe californien que j'ai découvert avec leur album Big Echo. Morning Benders ont décidé de faire un album... un bénéfice. Ouais, c'est ça. Un petit EP. Okay. Bénéfice pour faire des dons au... comment qu'on dirait ça? Au Japon. Ouais, au Japon. Au en rescapé français, c'est quoi? C'est Japon. Japon. Japon. Japon. Japon. Donc, c'est ça, vous pouvez aller sur le site internet de Morning Benders, puis vous décidez de faire un don, puis vous avez automatiquement, vous pouvez automatiquement télécharger ce EP-là, ce maxi-là, avec deux nouvelles pièces, puis d'autres pièces remixées. Puis là, on va aller écouter une des nouvelles pièces. Moi, c'est ça que j'ai fait hier. J'ai donné de l'argent au Japon hier. Non, t'es fin. Puis en même temps, j'ai eu un album des Morning Benders. T'as fait ça pour toi. Si ça peut aider les autres par le fait même, tant mieux. Mais c'est ça. Ben, je... Tu voulais pas vraiment aider le Japon, mais tu voulais... Oui, non, je voulais aider le Japon. T'es un peu opportuniste, là. Non, pas du tout. Tu sais, profit d'un événement, là. Non, on va l'écouter... Alors, il l'a payé quand même. Ouais, c'est ça, j'ai payé. Eh oui. On va l'écouter Little Riot, qui est sur l'album Japan Echo EP des Morning Benders. À assemblage requis. Ouais. Listen conversation. Même quand je vous dis qu'on reviendra. Ouais, c'est ça. Alors, c'était The Morning Benders avec Little Riot, qui est sur l'album Japan Echo. Ça, est-ce que ça va se retrouver ailleurs ou non? Il faut vraiment l'acheter. Je pense qu'il faut vraiment aller sur le site de Morning Benders pour faire un don pour ensuite télécharger l'album. Un don pour le Japon, donc ça vaut la peine. Un don pour le Japon. Et est-ce qu'il y a un minimum? Ouais, ben c'est ça. Vous pouvez donner comme... 5, 10, 15, 25, 40, 50 ou 100$. Okay. Donc, c'était ça. Puis là, maintenant, je voulais parler. Puis là, tu m'as empêché de faire toutes mes recherches avec tes conversations. Parce que là, je me retourne. Est-ce que vous devez en avoir parlé, mais ce midi, c'est l'Assemblée générale de Cifou. Oui, oui. Maxime Debieux, l'armée, d'ailleurs, vous serez présent, je pense. Ouais, je vais être présent, mais je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Là. Vous êtes sur le CA en ce moment même. Ouais, c'est ça. J'ai bien du fun. On a bien du fun là, sur le CA. Ouais. Oh, ouais. On mange la pizza. on prend des décisions. Donc, t'as pas de raison de pas revenir. En tout cas, on verra. C'est comme s'il suppliait depuis tantôt. Ouais, c'est ça. Mais bon. T'as-tu vraiment peur de pas avoir de... Non, mais en fait, écoute, parce que j'ai apprécié ton travail au sein du conseil d'administration. Bon. Donc, voilà, c'est tout. C'est ça. Je me tais. Faites ce que vous voulez. Donc là, en fait, pour mon troisième artiste, je voulais parler aussi du festival Oceaga. Mm-hmm. Fait que je peux me permettre, Mathieu? Ça vas-y, garde-toi. Donc c'est ça, hier, mardi, la première liste des artistes a été publiée sur le site officiel de Oceaga. Puis moi, je suis comme... Là, c'est ça qui est le fun. C'est qu'on sait pas encore quel jour quel artiste va jouer. Ouais. Donc, là, qui va jouer contre qui, dans le fond, parce qu'il y a des fois, il faut faire des choix. Des fois, il faut faire des choix, exactement. Donc là, moi, il y a beaucoup de groupes qui m'intéressent. Là, je vais en dire quelques-uns comme ça. Mais premièrement, c'est sûr qu'il y a Eminem. mon idole de secondaire 2. Ben oui. Mais moi, en tout cas, j'aimerais vraiment ça voir Twin Shadow, Pains of Being Pure at Heart. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Mother, que c'est quand même cool. The Sounds, c'est bon. Je connais même pas The Sounds. Oh, ouais, Manchester Orchestra, j'avais déjà entendu. Smith Western, j'en ai parlé ici. C'est bon, Jimmy Hunt, Tokyo Police Club. Sons, j'en ai parlé aussi ici. Puis il y a aussi des groupes québécois, c'est ça qui est Ratatat. Ouais, Ratatat. Il y a Carquois Malajub, Sam Roberts Band, Brandvan 3000. Hey, mais pourquoi? Jésus les filles. Kid Cudi. Pourquoi? Kid Cudi, je sais pas. Hey, là, Eminem, pourquoi? Ouais, mais Eminem. En fait, c'est ça, c'est cool, Eminem. Eminem, c'est quand même une grande vedette. Tu sais, quand on pense qu'il y avait Snoop Dogg l'année passée. Ben, je sais pas, ça fait varier. Ça ressemble à ça aussi, les festivals des États-Unis. Hey, ça marche, ça commence à marcher. Les gens s'en servent en nombre, j'aime ça. Non, mais c'est comme ça aussi. Là, ouais. C'est pour tous, puis c'est pour attirer le plus de monde possible aussi. Là, Crémière, ma petite sœur de 16 ans, m'a texté pour me demander si j'allais à Oceaga. Ah ouais. On va dans les mêmes festivals. Hey! T'étais bien parti avec ton festival. Ouais, non, je sais. Ça, puis il portait un chandail ou des chandos. Il y a aussi Dead Cab for Cutie, Jamie XX, ça, c'est le DJ de The XX. Ah! Fait que Braids, Heels... En tout cas, vous irez... il y a aussi un groupe que j'adore prononcer. Fucked Up. Okay. Fucked Up vont être là. Mais vous irez voir sur le site d'Oceaga. Puis hier, c'est ça, en faisant le tour, j'ai découvert un artiste qui a sorti un album, ça fait quand même assez longtemps. Meet Me at the Muster Station, ça date quand même de 2010. Puis j'ai bien aimé la pièce 2012. Ouais. Ça, c'est quasiment comme le 10-12, mais rébauchement. Hein? Si seulement l'Assemblée générale avait été le 20 décembre, on aurait pu dire quelque chose là-dessus. Mais non, c'est aujourd'hui même. C'est ça, c'est ce midi. Ça marche pas dans les chiffres. Ça marche pas pantoute. Ça veut dire. Donc, on va aller écouter, la pièce 2012 du groupe PS I Love You, groupe de Kingston, en Ontario. Il y a une base militaire à Kingston. Ah, fait intéressant. Alors, c'était le groupe PS I Love You avec la pièce 2012, issue de leur album Meet Me at the Muster Station. Oh. Qui vont être à Oshiaga 2011, mm-hmm. 29, 30 et 31 juillet. Juillet. J'espère qu'il va faire beau, hein, parce que. Ouais. Parce que sinon, quoi? Ben, sinon, ça devient un peu plate, en fait. Là, d'avoir payé aussi cher. Ben, ouais, c'est quand même cher, c'est ça, tu sais. Mm. Ah, ben. J'espère qu'il va faire beau aussi. Ben oui. Fait que, on se voit ce midi. Ah, c'est vrai. Deux fois dans la même journée, c'est pas facile. Ouais. Je sais pas de quoi qu'on va se parler. Hein. Je sais pas, on aura rien à dire. On a déjà tout dit. On est pas obligé de se parler. Je vais faire une recherche sur Wikipédia, puis je vous parlerai de ce à quoi j'ai. T'as pensé ouais, ce matin. J'ai pensé ce matin. Tu nous parleras du déjeuner de demain, parce que ton sujet, c'est les déjeuners. Hein? Ouais. Non, ben, il faudrait changer. Là, ouais, ok, bon. OK, moi, bon. On pourra parler de dîner. Ouais. Donc, Maxime Lemieux-Ramé, à la semaine prochaine pour notre chronique Télécharge quoi? C'est les mercredis à 8h. Ouais. Et c'est ta dernière la semaine prochaine, oui. Maxime. Okay. Fais attention. Vous m'avertissez. Cet été, on s'en parle. La dernière. Est-ce que c'est la dernière fois que je parle au micro ou on se revoit? On va se revoir. Il y a quelque chose de spécial parce de que je me demandais si j'allais faire une thématique spéciale pour la semaine prochaine ou si j'attendais vraiment la dernière. Il y a une dernière. Attendre. OK. Tu peux attendre. J'attendrai. D'accord. On s'en reparlera. Merci à toi. On va se quitter avec une pièce, en fait. Je viens tout juste de recevoir parce que je t'avais dit que j'avais commandé l'album de Manageable La Caverne. Ouais. J'avais commandé il y a quelques semaines de ça et il donnait en exclusivité deux pièces que tu pouvais télécharger instantanément. Et l'album allait être envoyé en format numérique avant la date de sortie qui est le 19 avril. J'ai reçu ce matin. Cool. Hey. Donc, je vous donne les noms de pièces qu'on n'a pas encore entendues parce que c'est tout frais. Là. Mm-hmm. Donc, c'est Destinée, on la connaît. Cro-Magnon, La Caverne, Sansu, Mon Oeil, Le Bizarre, Radiologie, Ibuprofène, Le Stridor et Chienne Folle, vous avez le choix. Tabarouette. J'aime bien Ibuprofène. Ibuprofène. Ouais, Ibuprofène, bonne idée. Ibuprofène, je pense que je l'ai déjà entendu en spectacle. Ouh, Radiologie? Ah. Ouais, Radiologie, ça pourrait faire une... Attends, on va regarder la durée. Ça doit pas être long. Ah, c'est correct. Radiologie, OK. Parfait. Donc, Radiologie de Malageux, on se quitte là-dessus. Merci, Maxime. Ça fait plaisir. Bye. Yeah. écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Ce serait des reins qui auraient été recréés à partir de cellules souches. Une très, très, très belle et intéressante découverte, je pense, pour tous les humains. Ce sont des scientifiques britanniques qui sont parvenus à créer en laboratoire des reins humains grâce à une nouvelle technique utilisée des cellules souches. C'est encore donc une nouvelle avancée dans la création d'organes artificiels après les cœurs et les foies. Eh bien, des chercheurs de l'Université d'Édimbourg en Écosse, ont réussi à développer en laboratoire de véritables reins humains. Pour cela, ils ont utilisé du liquide amniotique humain et des cellules fœtales animales, une technologie qui crée de l'espoir et qui pourrait être utilisée chez des patients d'ici une dizaine d'années. Cela ressemble un peu à de la science-fiction, mais ça n'en est pas. L'idée est de partir de cellules souches humaines et d'aboutir à un organe fonctionnel. Je les cite. Nous avons fait beaucoup de progrès avec ça. Nous pouvons recréer quelque chose qui a de la complexité d'un rein fœtal normal, a expliqué Jamie Davis au Télégraphe. Pour l'instant, les reins artificiels ne mesurent en effet pas plus d'un demi-centimètre de longueur, soit la taille de l'organe d'un fœtus, mais les scientifiques espèrent que ceux-ci grandiront et atteindront la taille normale de reins adultes s'ils sont transplantés chez les patients. Très concluante, cette avancée pourrait représenter de nombreux avantages dans le remplacement d'organes défectueux. En effet, la technologie permettrait de limiter les risques de rejet en créant un organe à partir des propres cellules du patient. Pourtant, se pose le problème du liquide amniotique. Aujourd'hui, les médecins n'ont pas le droit d'effectuer une telle collecte. Une fois le bébé né, on peut plus collecter le liquide amniotique, mais si celle-ci était autorisée, le liquide amniotique pourrait être conservé et utilisé dans l'hypothèse où le patient souffre un jour de problèmes rénaux. Congeler quelques cellules est rentable comparé au coût engendré lorsqu'on garde quelqu'un sous dialyse pendant des années. Mais là, à ce que je comprends, il faudrait vraiment, à la naissance, faire conserver notre liquide amniotique, etc. Donc, c'est un peu compliqué pour les prochains. Mais bon, on voit que ça s'en vient au moins. C'est quand même une très, très bonne nouvelle. On va rester dans le domaine de la science. Eh bien, on apprend qu'un astéroïde est compagnon de la Terre depuis 250 000 ans. C'est des astronomes qui viennent de découvrir cet astéroïde qui, depuis 250 000 ans, suit le mouvement de la Terre. L'astéroïde, Danny, s'appelle SO16, 2010 SO16, qui suit le mouvement de la planète depuis 2500 ans. Et pourtant, il vient tout juste d'être découvert. Deux astronomes l'observent à Armagh, en Irlande, et ont testé plusieurs simulations de l'orbite de cet astéroïde qui, de façon surprenante, possède une trajectoire circulaire comme celle de notre belle planète mère. Science et Avenir, un journal, indique que tous les scénarios imaginés donnent le même résultat. 2010 SO16 décrit une orbite en fer de cheval qui parcourt en 175 ans. Bien que décrivant un trajet identique à celui de la Terre autour du Soleil, il reste toujours éloigné de nous de environ 19 millions de kilomètres. OK. Deux astronomes, Apostolos Christou et David Asher, expliquent que trois autres astéroïdes du même type ont été découverts, mais qu'aucun d'eux ne suit la Terre pendant plus que quelques milliers d'années. Ils finissent tous par prendre une autre direction. De plus, ils sont tous beaucoup plus petits que 2010 SO16, qui possède un diamètre évalué entre 200 et 400 mètres. Hein? Une nouvelle. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour, François Landry. Bonjour, M. Plante. Bonjour, Monsieur Landry. Bonjour, M. Marchand. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, ben tant mieux. Le sujet aujourd'hui, on essaie de le comprendre tantôt. Je vous ai entendu, ça vous intrigue. Hein? Oui, vous allez être tellement déçus quand je vais vous dire le sujet. Donc, on va rappeler le titre pour que les gens aient une dernière chance de deviner. Ils sont petits, mais ils sont là. Je parle des schtroumpfs. Non. C'est ce qu'on pensait. Mais s'ils se formaient en parti politique, ils pourraient faire un petit parti politique. Ah! Ils sont petits, mais ils sont là. Ah, comme le bon vieux parti, c'est ça l'idée. Là, je vais peut-être en parler tantôt, ah, oui. Ouais. Mais là, je vais parler de ceux qui sont reconnus coast to coast, Anne-Mare ou Square Anne-Mare. La devise du Canada, faut pas l'oublier, la chère devise. Donc, il y a combien de partis politiques qui se présentent aux élections du 2 mai prochain? En tout, là. En tout? En tout. Une quinzaine? Moi, je dirais un petit peu plus que ça, peut-être. 20 ans? Moi, je dirais 20. Moi, j'irais pour 19. 19? On s'entend-tu pour 19? Hein? C'est bien, c'est 19. Quand même bon. Oh, ouais. On a les 5 gros partis qu'on connaît. Parti conservateur, libéral, néo-démocrate, vert et Bloc québécois. Ouais. Eux autres, on les connaît. Mais il y en a 14 autres qui passent presque inaperçus parce qu'ils sont pas partout dans chaque circonscription, mais qui sont là pour durer ou il y en a qui ne font que passer. Oui, ça, parce qu'il y a sûrement des partis qui sont là juste pour une petite blague, là, ben, ben vite, puis il y en a peut-être des centaines de ça. Bien souvent, c'est juste un citoyen qui est en colère, ils font un parti politique, puis bon, il meurt, pas le gars, là, mais le parti meurt pas longtemps après. Comme cette année, il y a 3 partis qui ont été déclarés morts par le DGE, parce que justement, il n'y avait plus personne pour prendre la relève, dont le fameux parti de la loi naturelle, vous savez, éliminer la dette en méditant. Wow. Envoyer des astronautes dans l'espace en flottant dans le... T'sais. Bon, eux autres, là... C'est fini. On n'en parle plus de ça. Le trip années 70, là, il est fini. Mais je les ai sortis les 14, mais je n'en ferai pas l'énumération parce que ça va être trop long et plate. Et surtout qu'il n'y en a pas au Québec qui se présentent bien souvent. C'est une affaire vraiment de l'Ouest canadien. C'est vraiment là que le plus de citoyens qui s'impliquent en politique individualistement. OK. Donc, le plus vieux parti des petits partis, c'est le Parti communiste du Canada. On l'oublie, mais il existe encore. Et il est, selon la hiérarchie, le 6e parti en importance au Canada. Ah, après le Parti vert, c'est lui. Après le Parti vert, c'est le Parti communiste. Parce qu'il présente 52 candidats. 52? C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et aux dernières élections, en 2008, il y avait eu 26 000 votes. C'est quand même gros. C'est le plus gros des tiers partis. Ça, c'est encore à 2$ par vote ou quelque chose du genre que tu réussis à faire de l'argent? Oui. Donc, lui, il aurait fait à environ 50 000 piastres de cash. Plus, il y a une subvention si jamais il fait plus de 6 % dans les circonscriptions, les dépenses sont remboursées à hauteur de 75 %. Donc, c'est quand même intéressant. Quand tu réussis à... Au fédéral, je ne sais pas, je m'en excuse, mais au provincial, c'est dès que tu fais 4 % tu es remboursé, tes dépenses sont remboursées. Donc, le Parti communiste, je vais juste en faire un petit... leur programme principal, c'est de donner une voix à la classe ouvrière et au débat progressiste, tout en luttant pour la paix, les emplois, la démocratie, la souveraineté et l'internationalisme. Donc, ça rentre dans l'amalgame là, gauche communiste. Mmh. Et il ne faut pas oublier, eux autres sont encore pro-Staline. Donc, voilà. Donc, le deuxième plus vieux parti, on rentre toujours dans les partis de gauche, si on veut, c'est le Parti rhinocéros. Oui, on entend souvent ce nom-là, ça fait bien rire, mais c'est au Québec, c'est le Néo-Rhino, mais au fédéral, c'est le Parti rhinocéros. Donc, c'est deux branches distinctes, mais avec un programme très similaire. Très similaire. Deux camps distincts. Donc, en 2008, ils ont présenté 7 candidats, la plupart au Québec, parce que c'est les mêmes Néo-Rhino qui se présentent aussi au fédéral. Ils ont quand même eu 2000 votes. Et ils ont été fondés en 63. Je me souviens que c'est le docteur Ferron qui l'avait fondé. Donc, ça dure quand même. Ça dure quand même parce qu'il y a toujours de la relève pour la bêtise. Donc, eux autres, c'est de c'est quoi leur programme, donc déjà, de fête en fête? De fête en fête? Ouais, de fête en fête jusqu'à la fête finale. Je ne sais plus trop. Jusqu'à la fête finale, c'est un peu déprimant. Ça. Donc, eux autres, au fédéral, ils veulent abolir le budget militaire et les abris fiscaux et transférer tout cet argent-là en éducation, en santé, en culture et en social. Donc, c'est quand même bien quand on prend ça au pied de la lettre de même. Mais plus tard, je vais revenir avec vraiment détailler le Néo-Rhino. Donc, vous allez voir que... Ça diffère un peu de ça. Disons, le troisième plus vieux parti, c'est un autre parti d'extrême-gauche au Canada. 59 représentants qui se sont présentés, donc plus que le Parti communiste. Mais ils ont eu seulement 8500 voix. Donc, c'est plus concentré. Il a été fondé en 1970. C'est le Parti marxiste-léniniste du Canada. Mm-hmm. Donc, ceux qui sont d'allégeance maoïste. Donc, de Mao, la Chine, tout ça. Donc, leur programme, c'est renouveler tous les aspects de la vie politique, économique et sociale au pays en faisant participer tous les citoyens à la lutte de la classe ouvrière et du peuple contre l'offensive antisociale menée par les gouvernements. Donc, on voit, c'est vraiment contre l'impérialisme et le capitalisme qui sévit depuis toujours au pays. Le quatrième, et là, c'est une fleur que j'ai fait à mon ami Simon. Le quatrième plus vieux parti au Canada, c'est le Parti libertarien. 1970. Attends, on peut expliquer ça, là. C'est quoi, là? Ah, parce que Simon et moi, on a une relation amour-haine avec ce parti et ces gens. Sur Twitter. Entre autres, oui. Même en live, là. Ah oui, On a des amis. Vous parlez pour vrai dans la vraie vie, même avec Twitter. Je me sens engueulé hier avec une libertarienne, mais bon, sur Twitter. Oui, elle a traité les femmes d'hystériques. Et c'était elle-même une femme. Donc, mon côté féministe en est ressorti. OK. Donc, en 2008, 20 candidats, 7000 voix. Et eux, ils veulent promouvoir une philosophie politique qui prône la liberté de l'individu. Donc, eux, c'est totalement l'abolissement de l'État, contrôle d'un autre. C'est l'individu doit s'épanouir. C'est, en quelques mots, la loi de la jungle. T'es le plus fort, ben, t'as le droit de c'est vivre. Sûr. Carrément. T'es intelligent, t'as le droit d'avoir une job payante. C'est carrément ça, là. Ça n'a pas de sens. Ben, on s'en parlera. Donc là, j'arrive dans les plus tiers partis encore, juste quelques-uns pour rigoler. Le parti Marijuana. Ah, il se présente 8 candidats, 2000 votes. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est légaliser le pot. Et une fois ça fait, ils déclenchent les élections générales. le parti Marijuana a 8 candidats. Ouais. Seulement 8 candidats. C'est incroyable. Ouais, mais c'est au Québec. C'est surtout le bloc pot au Québec qui est fort. Ouais, mais quelques-uns vont pour... Mais il n'y avait pas l'ancien président du parti Marijuana qui était devenu libéral parce que Paul Martin Stéphane Dion. Parce que Stéphane Dion était ouvert à la légalisation de certaines drogues douces. Mm-hmm. Et là, Boris Saint-Maurice, que tu parles, s'est présenté sous la bannière libérale. Il s'est fait laver lamentablement parce qu'il était tagué PLC. Wow. Donc, mais c'était une bonne stratégie. Il y a aussi celui que j'aime bien, c'est le Animal Alliance Environment Voters Party of Canada. C'est très francophone. Quatre candidats, 500 voix. C'est, eux autres, c'est adopter des politiques qui protègent l'environnement et les animaux. On aurait pu le déduire par le nom. Un genre de SPCA fédéral. Eh ben. Le First People National Party of Canada, c'est pour les Autochtones. Oui. Donc, reconnaître le droit autochtone, c'est vraiment dans l'Ouest canadien. Et celui que j'aime, que j'affectionne particulièrement, parce que quand je me sens triste, je vais lire leur programme et je me mets à rire. C'est le Parti de l'héritage chrétien du Canada. Ah! Oui. 52 candidats, quand même. 26 000 votes au pays. Né en 86, eux autres, c'est encourager les chrétiens à mettre de l'avant les perspectives bibliques sur lesquelles le Canada et la civilisation occidentale ont été fondées. Wow. C'est le parti du Je vous salue Marie, qui était en passant le même slogan que le Bloc Pot. Je vous salue Marie. Une alliance, une coalition pour être... Très bien. Et pour terminer, le Western Bloc Party. Un seul candidat. 195 votes, quand même. C'est quand même notable. Mm-hmm. Né en 2005. Et lui, je l'aime pour toute autre raison que son programme. C'est qu'il veut promouvoir la séparation de l'Ouest canadien du Québec. Ben oui! Je suis pour ça. Au lieu qu'on sépare le Québec, on est tanné de faire des référendums. Ouais. Ben que le Canada se sépare de nous autres, moi, je suis bien à l'aise c'est avec simple, ça. Ouais. Donc, eux autres, c'est de défendre les intérêts de la Colombie-Britannique. Et non pas de l'Ouest canadien. Là. C'est juste la Colombie-Britannique. Oui, sauf qu'il veut amalgamer tout l'Ouest canadien. L'Alsama. Mais c'est la. Oui. Oui. Exactement, tu connais ça, c'est bien. Ouais, c'est le seul mot que je me suis rappelé de mon cours de géographie, c'est bien. Et en incluant la Colombie-Britannique, donc la Koalsama. La Koalsama! La Koalsama. La Koalsama. Et donc, la suprématie de la Colombie-Britannique sur les autres, et il veut traiter les eaux usées, de la justice et la taxation. C'est son programme textuel. Donc, voilà. Mais à Trois-Rivières, là, regarde, on est ici assez fou. Je sais qu'on est diffusé partout dans le monde, mais à Trois-Rivières, c'est notre bassin de population principal ici. C'est les gens qu'on aime le plus, finalement. Ouais, ben je déteste pas Masquinongé aussi. Ah, ben ils sont fous. Ouais, j'habite là, donc il faut bien que je m'aime. Donc, à Trois-Rivières, il y a le Bloc québécois. Ben, les cinq gros partis, Paul Brunel, Robert Aubin du Parti néo-démocratique, le nouveau Parti démocratique, l'NPD, Pierre Lacroix du Parti conservateur, Patrice Mangin du Parti libéral et Louis Lacroix du Parti vert du Canada. Mais il y a quand même deux autres partis qui se présentent. Deux autres qui font parler beaucoup d'eux, surtout hier. Ouais. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles. Gentil 2. Ouais. Jean, comme le nom Jean 2 a entarté une haute fonctionnaire d'Hydro-Québec. Mais lui, ce Gentil 2, c'est le candidat néo-rhino de Trois-Rivières. Ah. Oui, Francis Arsenault de son véritable nom. Et moi, j'ai recueilli les propos du candidat du Parti vert et lui, il dénonce ce geste. Il est pour l'abolition de Gentil 2, mais il n'est pas pour les actes terroristes. Bon, c'est tout à son honneur à Louis Lacroix, candidat du Parti vert à Trois-Rivières. Donc, Gentil 2 promet de créer des milliards d'emplois pour des milliards d'années grâce à l'ensemble de la filière nucléaire. Donc, on voit qu'il est thématique avec sa centrale. Il propose de fermer Gentil 2 pour en faire un gros CPE. Des enfants pleins de radioactivité. Ah oui, c'est ça. Aussi, le parti Rhinocéros veut fournir une éducation plus élevée aux Canadiens en construisant des écoles plus hautes. Ils veulent instituer l'anglais, le français et l'analphabétisme comme trois langues officielles au Canada. Il veut démolir les montagnes rocheuses afin que les habitants de l'Alberta puissent voir le coucher de soleil. Ou, afin de créer le plein d'emplois, déplacer de 10 mètres les montagnes rocheuses. Logique. Ah, c'est tout à fait logique. Il veut abolir l'environnement parce que c'est trop difficile à réguler. Ben, c'est plus vous donner de la tête. Là, ouais. C'est ça. Il veut faire de la rue Sainte-Catherine de Montréal la plus longue allée de bowling au Canada. Okay. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est une des promesses, ça serait le bon. Et comme qui, tu te sors de quoi? Ça, Sainte-Catherine? OK. Continue. On pourrait en trouver facile. Ouais, c'est ça. Il veut aussi adopter le système britannique de la conduite à gauche. Mais pour pas fourrer le monde, il va y aller graduellement. Il va seulement commencer par les poids lourds. OK. Et on pourrait conduire au centre pendant un moment aussi. Voilà. On pourrait faire une gradation. Et il veut mettre la dette nationale sur la carte Visa et la déclarer perdue. Donc ça, c'est les néo-rhinos. Et le tout dernier venu, Joachim Kreit, du bon vieux parti. Oui, ben oui. On en entend parler sur les réseaux sociaux très actifs. Les gens portent leur petit chapeau fièrement sur leur photo Facebook. Tricorne, oh, oui, oui. Ouais, quelques donc, petites erreurs historiques, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, ce gars, ça fait partie de leur charme. Hein? On peut pas tout avoir. T'sais, même le Parti libéral, c'est une erreur historique. La cuillère à Nouvelle-France, il n'y aurait pas ça. Donc, les conservateurs veulent faire reculer le Canada de 50 ans en arrière. C'est insuffisant, disent-ils. Nous proposons de le faire reculer de 350 ans. Donc, eux vont fêter le 25e de Trois-Rivières bientôt. Ouais, ils n'ont pas le 375e. Donc, ils sont en train de prévoir un gros projet de est-ce que ça va aussi bien party, marcher? Là, ouais. Ouais. Pour les forces armées canadiennes, au lieu de dépenser des milliards pour des équipements militaires coûteuses et inefficaces, le bon vieux parti propose de copier la stratégie des Afghans et de doter tous les fermiers canadiens de mousquets. conditions féminines, ça, j'adore ça. C'est, OK, là, c'est le bon vieux parti qui parle, ce n'est pas... Ouais, c'est moi, ça. Hey, je dégage, c'est fou de toute responsabilité. Merci. Merci. Le bon vieux parti croit que le gouvernement conservateur ne défend pas suffisamment les femmes. Au bon vieux parti, nous avons l'intention d'être le meilleur parti pour réellement défendre les femmes, les défendre de voter, les défendre de sortir, les défendre de penser, les défendre de se faire avorter. Le bon vieux parti s'engage à nommer une femme dans son cabinet une fois élue. Elle fera office de figure de proue au Parlement, c'est-à-dire qu'elle devra toujours, jamais parler et avoir les seins nus. Comme la coque des bateaux. Comme là. De ouais. Donc ça, c'était bon vieux parti pour la condition des femmes. Il m'en reste deux, la pauvreté. Une fois élu, le bon vieux parti déclare la guerre à la pauvreté. Ils mobiliseront un contingent complet de l'armée canadienne et nous, et ils s'assureront qu'il ne reste plus aucun pauvre avant la fin du mandat. Et pour la question nationale, parce que c'est un sujet qu'il faut absolument aborder, il est temps, une fois pour toutes, de mettre Trois-Rivières sur la carte. Si le bon vieux parti est élu, ils déclareront unilatéralement l'indépendance de Trois-Rivières pour en faire la 11e province canadienne. Et là, j'applaudis. Bravo. Donc, voilà, à Trois-Rivières, 5 grands partis, 2 petits partis qui, quand même, sont là pour... Uh-huh. Ces démocratiques ont été reconnus officiellement par le DGE, donc on peut voter pour eux si vous êtes résident de Trois-Rivières. Ça fait le tour pour les tiers partis. Ah, intéressant. 19 ben oui. partis qui se présentent officiellement. Mm-hmm. Mais à Trois-Rivières, on sait qu'il y en a un de plus avec le bon vieux parti. Donc, une vingtaine de partis au pays qui se présentent, sans compter les nombreux indépendants, comme André Arthur, entre autres, qui lui est affilié à aucune couleur. Mm-hmm. On verra bien le 2 mai prochain, élection fédérale générale au pays. À Trois-Rivières, tu disais le parti néo-rhino. Est-ce qu'il ben, était là dans les années passées? Le bon vieux parti, c'est nouveau de cette année? Oui, c'est tout nouveau de cette année. Est-ce qu'on sait à peu près, là, mettons en gros, est-ce que tu te rappelles à peu près combien il y a eu de gens qui ont voté pour le néo-rhino l'année passée? C'est à peu près une 50aine de votes. OK. Oh, ouais, si peu que ça. Ouais, mais... Non, habituellement, pas de campagne, pas d'affichage. Ouais, c'est ouais, soit ouais. son cercle d'amis. Ou quelqu'un qui est désabusé, puis « Ah, je vais pas voter pour ben, c'est ce que autre. Je pensais qu'il y aurait plus de gens qui allaient voter pour ça comme genre en blague, comme dans « J'approuve pas les élections, donc je vote pour Néo-Rhino. Ben, » Il y avait eu plusieurs indépendants aussi. Il y en avait eu 3 autres indépendants qui n'avaient pas de parti, qui étaient juste comme Mathieu Plante se présente comme indépendant, qui peuvent aller chercher une 20aine de votes aussi, leur famille, amis, collègues. Puis le pourcentage de votes, ça ressemblait à quoi ici dans la région? Est-ce ça que tourne autour du fédéral, donc c'était 52%. C'est pas beaucoup, au là. Fédéral. Ici, c'est... Chiffron 60%. Okay? Parce que c'est une forteresse bloquiste. C'est Paul Brunel qui devrait encore une fois passer cette année, à moins qu'il y ait un revirement de situation ou une division du vote flagrante. entre les libéraux, néo-démocrates et conservateurs. Peut-être, peut-être que rien n'est joué pour Paul Brunel. Mais on sait au Québec, c'est habituellement un bloc. Donc, les gens votent peu ou pas. Donc, on verra bien. Mais j'ai pas grand espoir pour dépasser le cap du 50% de vote au pays. Dommage. Voilà. C'est à prendre en note pour votre pool, en passant, si jamais vous avez ouais, un pool bon politique. Pool, là, que, tout le monde participe, c'est bien. C'est ça. C'est... On a ré... Nous, on a participé, tout ça. Oui, oui, oui, c'est bien. On va voir. Vos chiffres sont réalistes. Ah oui, pas vrai? Bon. Sauf lui. Oh, François! Ah, ouais, ouais. Pourquoi? Ben, ton taux de participation, je sais pas. Il est ouais. élevé. Il est élevé. Élevé. 110%, ça se peut pas. Ah, juste en passant. On a hâte de suivre ça. Évidemment, t'as ta dernière chronique la semaine prochaine. Ouais. Est-ce que t'as un sujet spécial? Est-ce que tu sais pas encore? Je vais sûrement trouver un titre qui va vous mettre dans la brume. Je pourrais vous dévoiler mes résultats, mais avant les résultats électoraux officiels. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais non, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais faire comme Simon, je vais mettre dans un chapeau plein de sujets. J'en tire au sort, ouais. Puis je vais improviser à la limite. Mais non, j'en ouais, faudrait qu'on fasse ça, qu'on improvise, qu'on se lance un thème, puis qu'on improvise. Ah, ça va être un succès, c'est clair. Ça. Ouais. Improvisation mixte. Mm-hmm. Ayant pour thème. Donc, merci, on te retrouve jeudi prochain à 8h30 pour notre chronique Logocratie 101, dernière de la saison, comme je l'avais dit. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Ben, si vous voulez, je peux vous parler de hockey pendant 10 minutes. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Tout à fait, nous sommes dans mon segment de cuisse et il y a de grandes choses qui remuent en cette fin de session dans mon segment de cuisse. Étant donné que la semaine passée, on avait fait beaucoup de bouffonneries, j'avais totalement inversé ma semaine, était remplie de surprises pour souligner le début du mois d'avril, le mois des farces et attrapes. Mais ça m'a néanmoins fait réfléchir et je me suis dit, bon, peut-être que les gens le lundi... ils sont un petit peu trop poqués de leur fin de semaine pour entendre parler de littérature. C'est peut-être pas la journée la mieux choisie pour amener cette chronique-là. Et j'ai donc décidé d'intervertir ma chronique du jeudi et du lundi. Mais rassurez-vous, le mardi et le mercredi restent intacts. Et donc, aujourd'hui, j'arrive en force tel que lundi passé avec l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, naturellement. Et j'ai même pas encore sélectionné un article. Je voulais, comme ça... y aller au feeling du moment. Est-ce qu'on avait parlé de mayonnaise? Oui, on avait parlé de mayonnaise. Hein? Donc, on va poursuivre avec l'idéosphère. Oh! Ça promet hein, comme titre. Oui, tout à fait. Les idées sont comme des êtres vivants. Elles naissent, elles croissent, elles prolifèrent, elles sont confrontées à d'autres idées et elles finissent par mourir. Et si les idées, comme les animaux, avaient leur propre évolution, et si les idées se sélectionnaient entre elles pour éliminer les plus faibles et reproduire les plus fortes, comme dans le darwinisme? Dans « Le hasard et la nécessité », en 1970, Jacques Monod émet l'hypothèse que les idées pourraient avoir une autonomie propre et, comme les êtres organiques, être capables de se reproduire et de se multiplier. En 1976, dans « Le gène égoïste », Richard Dawkins évoque le concept d'idéosphère. Cette idéosphère serait un monde des idées, serait au monde des idées, pardon, ce que la biosphère est au monde des animaux. Dawkins écrit « Lorsque vous plantez une idée fertile dans mon esprit, vous parasitez littéralement mon cerveau, le transformant en véhicule pour la propagation de cette idée. » Et il cite à l'appui le concept de Dieu, une idée qui est née un beau jour et n'a plus cessé ensuite d'évoluer et de se propager, relayée et amplifiée par la parole, l'écriture, puis la musique, puis l'art, les prêtres la reproduisant et l'interprétant de façon à l'adapter à l'espace et au temps dans lequel ils vivent. Mais les idées, plus que les êtres vivants, mutent vite. Par exemple, l'idée de communisme, née dans l'esprit de Karl Marx, s'est répandue très rapidement dans l'espace jusqu'à toucher la moitié de la planète. Elle a évolué, a muté, puis s'est finalement réduite pour ne concerner que de moins en moins de personnes à la manière d'une espèce animale en voie de disparition. en même temps, elle a contraint l'idée de capitalisme à l'ancienne à muter elle aussi. Du combat des idées dans l'idéosphère surgit notre civilisation. Actuellement, les ordinateurs sont en passe de donner aux idées une accélération de mutation. Grâce à Internet, une idée peut se répandre plus vite dans l'espace et le temps et être plus rapidement encore confrontée à ses rivales ou à ses prédatrices. C'est excellent pour répandre les bonnes idées, mais aussi les mauvaises, car dans la notion d'idée, il n'y a pas de connotation morale. En biologie également, l'évolution n'obéit pas à une morale. Voilà pourquoi il faut peut-être réfléchir deux fois avant de répandre les idées qui traînent, car elles sont désormais plus puissantes que les hommes qui les inventent et ceux qui les véhiculent. Enfin, c'est juste une idée. Eh oui, c'est très bien ça, hein, Werber, est toujours fait, magnifique. C'était, bon, je vous le concède, un article qui était peut-être un petit peu plus lourd. Ben, quand même, non, je trouve que c'est... Mais néanmoins... Un beau principe. Un beau principe, mais je veux dire, je suis conscient que, je veux dire, si y a des Hongrois qui nous écoutent, on sait que les Hongrois parlent pas français, donc ils ont peut-être pas compris l'intégralité de ma lecture. Mais bon, on salue nos compatriotes hongrois nés en moins. Ben oui, ils nous parlent en ce moment même sur Facebook. Oui, on les salue. Et sinon, je pense qu'on pourrait continuer avec d'autres choses. Ben oui, vas-y, vas-y. Il est seulement que midi et 16, puis on a du temps. On a du temps devant nous. Et j'arrive à des choses qui sont peut-être un petit peu plus joviales. Folichonne, par exemple, la mutation des morues. Ah! On aime les morues mutantes. Oui, exactement. Et la découverte récente d'une espèce de morue dotée de mutations ultra rapides a surpris les chercheurs. Cette espèce vivant dans des eaux froides s'avère en effet bien plus évoluée que celle vivant tranquillement dans des eaux chaudes. On pense que les morues vivant dans les eaux froides et subissant un stress du fait de cette température ont laissé s'exprimer en elles des capacités de survie inattendues. Oui, il y a 3 millions d'années, les hommes ont développé de même des capacités de mutation complexes, mais celles-ci ne se sont pas toutes exprimées parce que, pour l'heure, elles sont tout simplement inutiles. Elles restent cependant stockées pour servir le cas échéant. Ainsi, l'homme moderne possède en lui d'énormes ressources dissimulées au fond de ses gènes, encore inexploitées parce qu'il n'a pas de raison de les réveiller. Ah. Un autre très beau principe. Ouais, mais on le sait, hein? Tout est appelé à se muter. Oui, exactement. Et on sait que si on considère le potentiel de l'être humain, il est presque infini, ce potentiel. D'ailleurs, le cerveau humain est peut-être la chose capable d'emmagasiner le plus d'informations. Il n'y a pas un ordinateur qui arrive, je veux dire, à la cheville du cerveau humain. Parce que, bon, on pourrait dire, ouais, mais Deep Blue a battu Machin Chouette aux échecs. Ouais, sauf que Machin Chouette, il pensait aussi au fait que sa vitre de char était pétée. Il fallait qu'il aille chercher ses enfants à garderie après la game d'échecs. C'était chicané avec sa femme. Exactement. Peu importe quoi. Il gérait un paquet d'autres affaires en même temps que la game d'échecs. Et ça, c'est une donnée qui n'a pas été prise en considération, je pense. Ah, oh, que c'est sage comme commentaire, Charles-André Lambert. Oh, ben, tu sais, moi, puis les ordinateurs, hein, on n'est pas. Ben, c'est tes amis. On n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis. C'est ça que je m'en ai dit, c'est tes amis, les ordinateurs. Mais bon, je veux dire, depuis que ma robette a rendu l'âme, j'étais tellement bouleversé. OK, par t'as quelque chose un peu contre les ordis, là. Ouais, depuis que ma robette a malheureusement rendu l'âme, mais ça signifie que je suis à nouveau... libre. Célibataire! Mais moi, je me disais, par contre, c'est que t'as abusé sur le changement d'huile, je pense, avec la robette. Ah, peut-être, mais là, ça, c'est une autre histoire. Et on pourrait peut-être entendre parler de Thomas More. Ben, vas-y. Le mot utopie a été inventé en 1516 par l'anglais Thomas More. Du grec « u », préfixe négatif, et « topos », endroit. Utopie signifie donc « qui ne se trouve dans aucun endroit ». Thomas More était un diplomate, un humaniste ami d'Érasme, doté du titre de chancelier du royaume d'Angleterre. Dans son livre intitulé « Utopie », il décrit une île merveilleuse qu'il nomme précisément Utopie et où s'épanouit une société idyllique qui ignore l'impôt, la misère et le vol. Il pensait que la première qualité d'une société utopique était d'être une société de liberté. Il décrit ainsi son monde idéal. 100 000 personnes vivant sur une île. Les citoyens sont regroupés par famille. 30 familles constituent un groupe qui élit un magistrat, le Sifogrante. Les Sifograntes forment eux-mêmes un conseil qui élit un gouverneur à partir d'une liste de 4 candidats. Le prince est élu à vie, mais s'il devient tyrannique, on peut le démettre.

L'excellente pièce The Temples of Syrinx, précédée de son ouverture durant 4 minutes 32, ouverture indispensable à l'écoute de cette excellente pièce tirée de l'album 2112, qui se trouve en fait le quatrième album du groupe rock progressif Rush, album réalisé en février 1976. Il a été enregistré au Toronto Sound Studios. C'est aussi le premier grand succès commercial du groupe, la première apparition de synthétiseur, mais quand même très très discret comparativement à ce qui s'est fait par la suite. Et un des disques préférés des fans avec Hémisphère. Moi personnellement, je le préfère à Hémisphère. C'est d'ailleurs mon album préféré. C'est un des albums qui a marqué le plus Rush de 2112. Oui, exactement. Et puis ils se sont bien positionnés sur le marché du rock avec cet album-là en 1976. Je pense que ça peut d'ailleurs être considéré comme un des albums assez importants là, de l'histoire du rock parce que ça l'a influencé plus de gens, plus d'artistes qu'on croit. Moi, je me rappelle quand on retourne peut-être en 1983-84. Oui. Eh bien, à l'époque, il y avait les gilets de Ben, c'était des gilets trois quarts noirs avec les blanches, les manches blanches. C'était beau quand même. Mais c'était beau, mais à ce temps, il n'y en a plus ben des gilets trois quarts comme ça. Et puis, j'en avais un de Rush de 2112. Ah, oui. Oui, puis à l'époque, j'avais même pas 10 ans, donc j'avais à peu près ça, 9 ans. Mais j'aimais les justement, j'en avais de Kiss, j'en avais de Ozzy, j'en avais de Rush. Mais il parlait de ces années-là, plus particulièrement dans le documentaire Rush Beyond the Lighted Stage. Et justement, l'année là, 82, si je me souviens bien, était une année où est-ce que le groupe Rush avait été extrêmement populaire. Les billets de concert étaient difficiles à se procurer. Puis c'était le groupe cette année-là que tout le monde allait voir. Et d'ailleurs, le documentaire que j'ai cité, je vous le suggère si vous aimez Rush, très, très intéressant, très pertinent comme matériel. J'ai beaucoup aimé les interventions de d'autres musiciens extérieurs au groupe qui venaient mettre les pendules à l'heure par rapport à cette formation canadienne qui est Rush, un groupe de rock canadien en effet formé en août 1968 dans les alentours de Toronto en Ontario. Les membres actuels sont le bassiste, claviériste et chanteur Geddy Lee, le guitariste Alex Lifeson et le batteur parolier Neil Peart. La composition du groupe a suivi diverses modifications entre 1968 et 1974, puis est restée stable depuis l'arrivée de Neil Peart, remplaçant le batteur original John Rotsey en juillet 1974, deux semaines avant la première tournée du groupe aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans le documentaire que j'ai visionné, que je vous parlais précédemment, il semblerait que le batteur originel John Rotsey soit parti à cause que ça devenait trop gros pour lui. Là. Le groupe, lui, à la base, il voulait jouer dans un garage avec ses chums. Puis pour le fun. Il n'était pas capable de gérer la pression. Puis à cette époque-là, ça s'en venait quand même gros. Là. On était déjà à quelques années de leur premier gros succès commercial à la radio Working Man, qui avait beaucoup eu de succès à Baltimore, si je me souviens bien, à cause que c'est une ville qui est pas trop loin de Toronto. Et puis, c'est une ville où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en usine. Donc, les gens se reconnaissaient dans le texte de la chanson Working Man, là, qui décrit la vie d'un travailleur routinier. Donc, c'est ce qui représentait la lettre R de ma chronique du rock alphabétique. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.